Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Gabriel Béaud sera de retour pour nous envoyer de l'impro dans la face en allant dans les couilles de la lutte. Et on achètera les choses inutiles pour le retour en classe dans 5-6 que celle de répondre là. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Assemblage requis en ce mercredi 14 septembre 2016. Et puis moi, c'est Mathieu Plante, il me semble, n'est-ce pas? Et moi, me semble que c'est Tania Bourdain. La dernière fois que j'ai vérifié, c'était ça. Je connais pas personne d'autre qui prend autant de selfies en début d'émission. Je prenais pas un selfie, je suis en train de regarder si j'avais une couette, j'avais l'impression que j'avais mais, une couette. Mais, pourquoi est-ce que tu fais une face de selfie quand tu regardes ta face dans le téléphone? Parce que je suis concentrée à regarder mes cheveux, c'est ça, c'est une face de concentration. Donc, dans le fond, si les gens veulent s'imaginer de quoi t'as l'air en train de faire kéké, c'est la même face. Non, pas nécessairement. Non. Mais mettons qu'une fille se met du mascara, clairement, ça va être la même face. Hey, j'en apprends, là. Sur les filles, en général, c'est incroyable. C'est fou. Donc, bienvenue, on a commencé sur notre chanson thème de Valise Pariété remaniée par Renard Frac ce matin. À quoi aujourd'hui? Est-ce que tu sais à combien de jours on est de la fin de l'année scolaire? Ah non, je me souviens même pas à combien on était hier. C'est quelque chose que je devrais honnêtement porter attention à chaque début d'émission. Je suis là pour te le dire, on est à 225 jours. Ah, merci Mathieu. Ça me fait plaisir. Donc, bienvenue à vous. Aujourd'hui, le plan de l'émission. On va voir Gabriel Béaud, le premier chroniqueur de la session. Maintenant, on peut vous annoncer que là, on est prêt à commencer sans arrêter la session universitaire. Donc, à partir de la semaine prochaine, nos chroniqueurs vont être de retour, sachez. Oui, exactement. Donc, à 8h30, Gabriel Béaud et sa chronique dans les coulisses de la Luitre. On va parler du match de lundi soir, le match Punch Club. Ben oui, ça a l'air, ça a bougé. Combat épique de rue. Oh mon Dieu, j'espère que personne s'est fait blesser. Non, mais il y a eu la nudité. Oh mon Dieu, OK. Déjà, comme ça, le bing-bang. En début chess. D'année, tout le monde tout nu. On commence par les chess, ça n'a pas d'allure. À 9h, on fait l'émission. Toi, ta chronique, Tania Esgalin. Oui. Qu'est-ce qui s'en vient aujourd'hui? Bien, hier, j'ai fait peut-être un petit post agace. Disons-le. Tu dois un coca-qui. Ouais, exactement. Oh, je sais pas, un café Mathieu, un café. Un café, tu bois pas de liqueur. Non, je bois pas de liqueur. Ça te monte dans le nez. Tu saignes du nez tout le temps, fait que ça fait du segment de nez avec des bulles. Avec des bulles, faudrait essayer ça. Je vais te mettre une paille dans le nez, voir si ça fait la même affaire. C'est vrai, hein? Comme squeak. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui devient de plus en plus viral partout autour du monde. Les virus du rhume. Les virus, c'est ça exactement. C'est vraiment viral, hein, disons. Ben, disons-le de même. Non, mais je vais vous parler. Je veux pas vraiment me nommer parce que là, il y en a qui vont faire banquer, j'écouterai pas. Mais je vais vous parler de blog, vlog, mais peut-être complètement différent de ce que vous connaissez. Peut-être pas. On sait pas. On sait pas. Faut être là exactement vers les alentours de 8h39. Ouais, on sait que Gabriel Béaud va être là à 8h30, fait qu'après exactement. Après ça. C'est ça. On sait pas combien de temps il va prendre. Ça va peut-être être 9h20. Je sais pas, mais il y a des affaires dans la vie à faire, ce gars-là. Fait que mais ça oui, qu'il va faire une vrai. Demi-heure. On va débuter l'émission, on va faire le reste, le début, avec tout ça existe, ça ne devrait pas. Là, dans quelques instants, una momento. Una momento. Voilà. Mais avant ça, on débute l'émission avec du Daniel Romano. On l'a découvert depuis les dernières semaines, puis on a commencé graduellement à Tipe Beret. Ben oui, puis hier, c'était le retour des palmarès, c'est fou, hier après-midi. Absolument, c'est en appel. Oui, de 14h à 17h, excuse-moi de t'avoir coupé. Il y a des rediffusions, juste qu'on ne sait pas encore c'est quand. Ouais, c'est ça. Donc hier, on a refait la découverte de Daniel Romano durant l'émission, fait qu'on a décidé de vous la faire jouer ce matin. Fait qu'on vous rampe ça des oreilles, un petit peu de Romano, Valérie Leon, tout de suite à Assemblage requis. Oh, c'est fou, 89 ans. Cheesy. I swear. Totalement. C'est ça. Ouais. Vraiment. Je pense qu'on se fait attaquer par la chanson. Ça vient. I kinda got it since the second that I saw you. I've been weakening in the knees. There's a reason for my misery, but my baby. is often busy and we probably shouldn't not have come a walking by the water just to talk and get to know you for the sake to make you fall la la la love me. But it's been saying dark. Be around if we were ever to be found, he'd be a coming after me. And my baby's got my dough and she'll let everybody know, and so we probably shouldn't honor, cause I think they might have saw you, and they're gonna tell your father that we're planning to for love. But let me tell you, pretty mama, I just really wanna make you fall la la la la love me. But it's been staying dark. Everybody know that we were gonna make a go of you and me, my little pet. But the thrill we knew is gone, cause everybody played along and they're so happy for us, dear. And we're the couple of the year. I gotta get me out of here. I wish I never got to know you, and I wish that I could show you just how much I really love you. How I curse the day I made you fall la la la la la love me. But it's been saying dark. Daniel Romano, Valerie Leon. Je suis pas assez fanatique de musique du monde pour savoir de quelle inspiration cette musique-là vient. On dirait, je sais pas, Moyen-Orient ou Asie. Hein, j'ai aucune peu. Idée. Faudrait demander à David Ferrand, notre professionnel de la musique du monde. Il devrait arriver. D'habitude, il arrive très, très de bonne heure puis part très, très tard. Fait qu'on devrait le voir bientôt. Un nouveau collègue au Zone Campus. On vous en reparlera dans les prochaines semaines. Mais avant ça, contrairement au Zone Campus que vous devez prendre gratuitement dans les kiosques. Oui. Là, on vous parle de produits que vous devez acheter. Oh my et God. Attendre avant de recevoir. Je sais que c'est difficile. C'est pour ça que j'ai de la difficulté à acheter en ligne. Je sais, je suis allé acheter des crayons hier, je suis allé dans un magasin grande surface parce que je voulais pas attendre. C'est-tu pas gratifiant d'avoir ce que tu veux immédiatement? Right now! Voici ça existe, mais ça ne devrait pas. Oh là là! Mais ça ne devrait pas. On l'a, la chronique des gadgets qu'on achète sur Internet et qu'on regrette instantanément, bien sûr. Mm-hmm. On commence. Bon, l'été se termine bientôt, mais il reste encore peut-être du temps pour les moustiques un peu. C'est vrai. On en a été témoin hier à la chasse galerie quand on avait comme trois guêpes autour de nous autres. Hey boy! On sent bon pour elle, je pense. Mais je sais pas, je sais qu'il y a comme une épidémie de guêpes et d'abeilles, ça a l'air, ouais. Ces temps-ci. C'est, ben justement, on va pouvoir s'acheter ça pour peut-être passer au travers du reste de l'été. Donc, c'est de la compagnie Hammacher Schlemmer, les peddlers de trucs vraiment cheap sur Internet qui coûtent super cher. Donc, c'est une ligne de vêtements anti-moustiques. Ah, donc, c'est merveilleux. Comme des strings, un peu comme, ben, pas comme les gens qui cultivent le miel vont porter, mais similaire. C'est vraiment une veste avec une capuche, mais la capuche fait la tête au complet et c'est fait en moustiquaire très mince, très respirant. J'imagine que ceux qui ont vraiment chaud, qui veulent pas être protégés de rien d'autre que les insectes vont pouvoir apprécier. Quoique les manches sont quand même couvertes de tissu, je sais pas pourquoi, et le bas du manteau aussi, de la veste. Donc, vous pouvez aussi avoir, évidemment, si vous voulez, des bas qui vont jusqu'aux genoux, mm-hmm. Des pantalons, des chandails à manches et tout ça. Mais tout ça en Moschino netting, donc en string. Ça coûte entre 20 et 50, et 60 $ pardon, donc couvert de la tête aux pieds. Anti-moustique. Allez voir des photos. Il y a une collection là, complète de ces photos-là pour chaque vêtement. Vous pouvez aller voir si vous avez... Si vous pouvez avoir l'air le moins fou possible avec un de ces trucs-là. Moi, je pense pas que ça se puisse. Moi non plus. As-tu vu les manches tout seul? La dernière photo, c'est juste des manches. Ah, mon Dieu. Tu sais, si tu veux pas te faire piquer ses bras, mais le reste, ça dérange pas, ça. Ouais, c'est ça. Dérange pas. Non, c'est horrible. Ensuite, est-ce que t'es du genre à tout le temps avoir un crayon en main pour avoir quelque chose à faire avec tes doigts, là? Ah, bien souvent, oui. Tes ongles, peut-être, des fois? Pas nécessairement, mais tu vois, il y a un crayon là. Là. Tente. C'est comme dans 3 secondes et demie, je vais l'avoir dans les mains puis je vais le faire. Mets-le pas dans ta bouche parce que c'est pas à toi. Ah, non. Ouais. Donc, je te présente le Fidget Cube. C'est un jouet pour le bureau, pour ceux qui aiment bouger partout. Tu sais, de bureau comme l'argent que tu mets sur le coin de ton bureau, là, ouais. De travail. Donc, les Fidget Cube, c'est des jouets de vinyle à 6 côtés. Donc, c'est des cubes, pareil comme des dés, qui sont faits pour aider les gens qui bougent tout le temps à laisser sortir leur stress, peut-être. Chaque jouet offre quelque chose de différent pour les gens qui aiment bouger. Donc, peut-être, il y en a qui a des boutons dessus. Donc, il y a un truc à tourner, comme un genre de bouton à tourner. Mm-hmm. Ouais. Ouais. Une petite bille. Ceux qui veulent se pratiquer avant l'action que vous allez peut-être avoir ce soir. Des engrenages. Boy, yeah. Hein. Des engrenages. Une switch. Une switch. Une switch. Un épaule comme sur une tétine de télécommande de jeux vidéo. OK. Hein? Et des petites indentations style roche. Hein? Ah, d'accord. Donc, les Fidget Cubes sont sur Kickstarter à partir de 19$. Ça va être vendu 25$ en magasin. Ils ont déjà surpassé leur but de 15 000$, de plus de 700 000$. Donc, il y a beaucoup de gens qui aiment bouger leurs doigts partout. Et honnêtement, je pense que c'est le genre de Kickstarter que j'aimerais encourager. Parce que j'ai déjà vu des gens en avoir en leur possession. Donc, je pense que ce serait un projet qui va arriver à terme. Ben, c'est drôle hein, que tu montres ça ce matin parce que hier, j'ai vu un article comme quoi ces cubes-là étaient utilisés dans des classes aux TDAH. États-Unis pour des TDAH. Ouais. Ouais. Good! C'est le fun! J'aime vraiment ça. C'est une super, super bonne idée d'avoir différents modèles parce que c'est le fun. Des petits boutons à monter, à descendre, à tourner, des switch on-off. Pour vrai, ça passe un stress fou. J'ai pas le choix, celui-là. C'est sûr que je vais l'acheter. Mm-hmm. C'est pas cher, 19$ sur Kickstarter US, évidemment. Ouais. Ensuite, on continue avec ça. C'est un peu plus, comment dire, un peu plus pour l'apparence des choses. C'est un sac à dos avec des ailes pour que tu te prennes comme pour un ange. Oh boy! Je pense. Rien de plus beau et de magique qu'un sac à dos avec des ailes. Ça a l'air d'être fait en plume, mais j'imagine que ce ne l'est pas. Ça a l'air d'être fait, tu sais, là, du feutre. Là. Ouais. On faisait des affaires avec ça au primaire. Absolument. Des lambeaux, sinon, de vieilles vestes. Des petits... pas des boléros, tu sais, les espèces de vestes là, qui flottent là en bas, qui ne s'attachent pas vraiment. C'est juste un genre de cap pour filles. Les filles portent ça. Ouais, je sais de quoi tu parles. Courte, qui est dans les airs. Un kimono? Non. En tout cas... L'affaire. Une affaire que tu te passes par la tête, là. Non, c'est vraiment comme juste une veste, mais on dirait que c'est comme ça sert à rien, tu sais. C'est juste genre tu mets tes manches. OK, ben une cape. Ça s'appelle une cape. Une cape! Quand j'aurais jamais deviné. Mais c'est souvent un foulard extrêmement long. Ah, voilà! On dirait des lambeaux, là, tu sais, bon. Tu sais, j'en ai un gris et blanc, là, c'est ça? T'es en train de me juger? Non. Jamais. Il y a plusieurs couleurs, hein. Il y en a un en genre de multicolore pour avoir l'air d'un ange de la parade. Voilà. Donc, assemblagerequis.com pour le lien. Ensuite, Tania, hier, je me rappelle, j'ai le souvenir que tu m'as parlé hier de Body Pillow. Oui, j'ai fait ça. Des oreillers corporels. Tu t'en allais dire autre chose. Ouais, que tu ouais. J'avais parlé de Del Pickle. Ouais, non, mais tu sais, je veux dire, vous insérez ce que vous voulez, mais non, c'est un oreiller corporel en forme de cornichon. Oh mon Dieu! Tu en as toujours rêvé d'avoir des petites, comment dire, pas des verrues, mais des verrues de... Des verrues de cornichons, ça veut dire. Non, mais c'est dégueulasse quand tu y penses, hein, les verrues, c'est les cornichons. Ben, je sais bien, les cornichons, pourquoi il y a des petits pics sur les côtés? C'est un cactus comme mangeable? On sait pas. C'est la même famille, on sait pas. Je sais pas. Est-ce que le Roadrunner va arriver? Je pose la question à Google. Ben, s'il te plaît, pendant que je vous parle de la boutique Etsy Jumbo Jibbles qui vend le Giant Pickle Body Pillow. C'est un beau tongue twister en même temps, donc un Giant Pickle Body Pillow. Giant Pickle Body Pillow. Qu'on peut acheter sur Etsy.com, bien sûr. Pas mal plus qu'il y a à dire là-dessus. Giant Pickle, ça ressemble vraiment à un cornichon dans le sens que c'est très, très... C'est comme une grosse saucisse plus large, finalement. Mm-hmm. En verre feutré ou un feutre verré avec des verrues dessus. As-tu trouvé? Oui, apparemment que ça pousse par là, c'est les... Ça pousse par là, non, par le soleil? Quand tu prends un concombre, mettons, ou quelque chose, ouais. Les racines... Ça serait des restants de racines qui n'ont jamais poussé. Wow! Intéressant. Et ensuite, mariné dans du vinaigre. Puis il y en a qui disent, sinon, il serait beaucoup trop glissant puis tu serais pas capable de les sortir du pot. Ah, du pot, OK, oui, c'est ça. C'est très drôle. Ouais, Mais c'est ça. Le prochain, je dois vous dire dès le départ là, que vous avez peut-être vu passer ça et après ça, vous n'avez pas vu la suite, que c'était un fake! Oh, mon Dieu! C'était un hoax. Avais-tu entendu parler du... Attends un peu, je pense que je suis mélangé. Non! Hey, je suis mélangé, puis même que je viens de t'avouer une des réponses de mon quiz, le vrai, le faux. Oh non! Je vais te faire bientôt. Celui-là est vrai, c'est un vibrateur en forme de... Voyons. Merde, c'est pas le mot. De... Pas d'avis. Voyons. Non. Eggplant, voyons. Je l'avais tantôt dans la bouche. Mais pas, pas, pas, pas une aubergine, voilà. Une aubergine, j'avais pas une aubergine dans la bouche, littéralement. On sait jamais. Mais bref, vous avez entendu parler peut-être des condoms à senteur, à odeur d'aubergine. Arc! C'est un fake, c'est un hoax. Okay. Mais tout le monde en a parlé sur Internet. Le vibrateur, par contre, en forme d'aubergine, comme l'emoji qu'on connaît évidemment sur iOS et les autres plateformes numériques. Donc, c'est un vibrateur en forme de ça, parce que tout le monde, quand on veut s'envoyer un pénis, je ne sais pas pourquoi, mais les gens s'envoient à la place d'une banane une aubergine. Mm-hmm. Je comprends pas, parce que clairement, la banane est là. Aussi bien s'en servir. Ouais. Hein? Mais bon. Donc, c'est ça, c'est pour prendre votre dose quotidienne de fruits, comme dit l'article, de façon savoureuse. Ça mesure 4,8 pouces de long. On s'entend que c'est un petit. Comment ça? 1,2 pouces de largeur, de forme phallique, bien sûr, 10 paramètres de vibration pour 32$. Hein? Pas de commentaire là-dessus, toi? Non, j'ai aucun commentaire à faire sur une aubergine, c'est voilà. Est-ce que t'as déjà eu un problème avec ta fourchette quand tu tournes pour avoir ton spaghetti? Ouais, ça m'est déjà arrivé, ouais. Est-ce que tu sers d'une cuillère? Oui, assez souvent. C'est ce que je fais aussi. J'aime particulièrement les restaurants qui donnent une cuillère très, très grosse. Les cuillères à soupe, genre les grosses, là, c'est ce qui va le mieux. Donc, la pasta fork est une idée révolutionnaire. Ça existe depuis quand même longtemps. Je me rappelle avoir déjà vu ça quelque part. Mais la petite vidéo vous montre comment ça fonctionne. C'est une fourchette que quand tu la tournes sur elle-même, dans le fond, elle se tourne plus facilement parce qu'elle est faite un peu comme, comme une bite de drill. Ben oui, vraiment. Like a bit of a drill. C'est comme un petit peu une situation d'urgence. A bit of a drill. A bit of a drill. C'est un jeu de mots en anglais. C'est pas notre public sophistiqué. Et voilà. A bit of a drill. Bref, c'est ça. Ça se tourne tout seul. Tu fais juste tourner les doigts à peine en haut, puis ça tourne ça. C'est pas difficile de tourner une fourchette en tant que telle dans le fond du bol ou de l'assiette. Mais bon, c'est dans le fond, c'est que tu peux comme faire aller ton doigt un peu comme sur une aubergine. Vers le bas, et ton doigt va faire tourner comme une drill. Oui, et voilà. Sans avoir à tourner la fourchette en tant que telle, tu descends tes doigts et ça fait tourner la fourchette. Est-ce qu'on se comprend? Je pense pas. Je pense qu'on se comprend bien. C'est pour les vrais paresseux, mais ça fonctionne très très bien. Ça, c'est sur theoriginalpastafork.com parce que j'imagine qu'il y a eu plein de copies de cette pasta fork ailleurs. Probablement. On ne sait pas. Maintenant, retour sur la semaine passée. Tu te rappelles, je t'avais parlé des seasoning sticks. Oui. C'était des bâtons. Je t'avais dit, bon, tu pourrais t'en servir à la place d'un cure-dent. Oui, tout à fait. C'est quand même le fun parce qu'en tant que tel, c'est des bâtonnets avec de la saveur intégrée, comme je sais pas, barbecue mesquite. C'est ça. Fait que si tu fais du barbecue, c'est malade. Ça met de la saveur dans ta nourriture. Caliente, por favor. Si, si. Flavor, por favor. Ça, c'est un jeu de mots en espagnol. Je suis tellement poly... golly plot. Polyglot. Golly, that's a plot. Comme dirait un Britannique. Ça, c'est un blague, une gag britannique. Ouais, c'est ça. Salutations à tous les Britanniques qui nous écoutent. Boy. Donc, les seasoning sticks, pour en revenir un petit peu en détail, pour en revenir. Produit vraiment cool. Bâtonnet de saveur. Par contre, on avait dit à ce qui passait que c'est sûrement super, super, super concentré comme saveur. Ce qu'on sait dorénavant, c'est que la saveur va sortir de l'intérieur du bâton. Donc, c'est des bâtons solides d'assaisonnement, d'épices et d'herbes qu'on insère dans un bloc de viande, dans du poisson, dans de la volaille. Pour projeter la saveur de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Donc, c'est... attends un peu. Donc, à environ 110 degrés Fahrenheit, la science prend la place dans l'alimentation. L'eau sort et les seasoning sticks commencent à se liquéfier et la viande absorbe l'assaisonnement comme une éponge. Une éponge. Ah, d'accord. C'est le premier changement d'ici, évidemment, c'est du marketing. Ouais. Le premier changement en termes de saveur et d'assaisonnement depuis 1000 ans. 1000 ans. Tellement unique que ça a déjà eu 3 brevets américains. Présentement, c'est disponible pour 35$ avec 100 bâtonnets de différentes saveurs comme high classic et barbecue de cour arrière. Donc, il y a plein de sortes. Ça peut être pour des légumes, ça pourrait être pas des légumes, pour viande, poisson et volaille comme j'ai dit tantôt. Donc, allez voir ça. Ça vous intéresse, c'était genre juste plus de détails que la semaine passée. Je trouvais que c'était trop... c'est merveilleux. Pas assez détaillé, c'est pas. Ensuite, est-ce que t'as déjà rêvé d'essayer la nourriture de l'espace? Tu veux dire ce qui flotte? non. Mais est-ce que c'est genre de la nourriture sèche? Ouais. Des fois, c'est en cube, en truc pâte, il y a de la crème glacée, un genre de galette. Ouais. Ça, un truc comme ça, ben, c'est un peu comme l'armée. Oui, ou le camping. Et j'ai déjà goûté à la nourriture d'armée parce que ma tante était dans l'armée quand elle vivait chez nous. Puis on avait la chance de pouvoir goûter à ça et je ne goûterai plus à ça. Ça goûte quoi? Dégueulasse. Non, mais plus de détails. Mais ça goûte très, très fade. Fade, OK, bon. Oui. D'accord. Contrairement à ta tante, qui j'espère est imperméable aujourd'hui. Donc, Space Food, de la nourriture spatiale authentique. Comme les hommes et les femmes braves qui explorent le cosmos. Donc, nourriture authentique. Chaque tube, ça ressemble à un tube de pâte à dents. Ou de, je sais pas, de mono. Genre. Ouais. Et c'est fait pour durer 12 mois. OK. Tablette. Ça vient avec plein de choses que les cosmonautes russes utilisent. Ils mangent comme du goulash de porc et du borscht. Mm. Spacefoodlaboratory.com pour le site web. Ensuite, Tania, des fois, tu trouves peut-être ça qui est étonnant. Je me rappelle, hier, tu lisais le journal pour trouver ton horoscope. Hein, ta vie privée n'est que... Je ne lisais pas. Ah, t'as lu la tienne. Attends une minute, là. Je ne lisais pas le journal que pour l'horoscope. Ça a donné comme ça. Ça l'a donné que je suis tombée sur la page là-dessus. Puis là, j'ai fait, ah, quelle connerie. C'était quoi? Ça te disait que ma vie allait être correcte d'ici la fin du mois. Ben, il reste encore quoi, la moitié? Ouais, j'ai espoir. Ben, peut-être que tu pourrais faire ta cynique un petit peu en achetant des Horrible Fortune Cookies. Ah oui, je pense que je vais faire ça. Des biscuits chinois, donc avec d'horribles phrases à l'intérieur pour complètement déprimer quelqu'un après un délicieux repas, vous donner ces biscuits-là et à la place d'avoir des messages de fortune optimistes génériques, ça va donner des messages comme « Tu vas mourir dans un Arby's à Columbus en Ohio ». Oh boy! Pour 10$ l'emballage sur, j'imagine, Amazon. OkCookie.co. Ah, j'imagine que ça mène vers... Non, OkCookie.co. C'est vraiment une compagnie qui ne fait que ça. OK. Des biscuits de fortune, des biscuits chinois. Le shipping américain est 5$ pour une boîte de 15 biscuits au hasard. Donc, allez voir pour les prix canadiens ou les prix... voir même si c'est transportable au Canada. En fait, fait intéressant, c'est des mêmes créateurs que Cards Against Humanity. Ah, pas vrai? Donc, on peut les encourager. Ça ne surprend pas, finalement. Non, absolument pas. C'est des gens vulgaires à souhait, mais on les aime comme ça. Et aux États-Unis, 2 boîtes ou plus pour avoir le shipping gratuit. Donc, allez voir ça. OkCookie.co. Ouais. Ensuite, on veut toujours avoir sur soi un ouvre-bouteille. C'est vrai. J'en ai un dans mes trucs ici, parce que la lutte, on a donné un en cadeau à la fin de la session passée. C'est génial. La lutte scolaire passée, c'est bien fait. Mais si vous en voulez un petit peu plus heavy duty, c'est le Cast Iron Bottle Opener. Donc, un ouvre-bouteille en fonte, un peu comme vos poils de grand-mère, qui Colin, ne brise jamais. C'est vrai, ça brise pas ces affaires-là. Les chaudrons pis les poêles de fonte, là, je veux dire, c'est dans les familles depuis des générations. Indestructible. Incipli, indestructible. Donc, donnez à votre bar à la maison un petit charme de la vieille époque. Ça varie de grandeur et de manufacturier, mais chacun de ces ouvre-bouteilles fabriqués en Angleterre sont traités avec une cire protectrice spéciale et sont chacun accentués avec une poignée en paracord. Tu connais les paracord? C'est comme un genre de cordes vraiment de sauvetage. Oui. Des fois, il y a des bracelets en ça que tu peux défaire en cas d'urgence. Donc, c'est ça, c'est la corde qui vient au bout. Et en plus, la corde peut-être de la couleur désirée. En tout cas, je vois ici brun, vert forêt, un genre d'orange flash, un bleu comme j'aime bien, un genre de pastel bleu et un beau petit vert pastel aussi. Donc, 11,44 $ pour un seul. C'est sur une boutique Etsy. C'est pour ça qu'on disait tantôt que c'était fait à... Ben, je sais pas, c'est à la main. Mais c'est fait de fer de fonte. C'est pas marqué si c'était fait à la main sur la page Etsy, mais c'est envoyable dans le monde entier, donc vous pouvez l'acheter au Canada. Ah, c'est génial. Ouais. Maintenant, tiens, on s'ouvre une deuxième dizaine d'articles, pourquoi pas? Ben oui. En fait, je regarde ça, puis pourquoi? Pourquoi pas? Ben parce qu'on devrait peut-être prendre la pause, hein? Oh, peut-être. Mais on reviendra avec un autre bloc dans quelques instants de « Ça existe, mais ça ne devrait pas » pour... « Ça existe, mais ça ne devrait pas », on l'a. Est-ce qu'on changeait de slogan à Renault Dépôt depuis le temps? J'aurais peut-être changé le nom de la chronique. Oh! C'est un hommage à ça existe, on l'a. Oui, c'est ça. Bref, je me disais bien. J'imagine, ouais, c'était pas très subtil. Hein? Au retour de la pause. Hey boy. Plus de gadgets, restez là. Aujourd'hui. Vous êtes assez fantastique. 89.1. Pour plus d'informations sur la programmation, visitez cfou.ca. 89.1. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Toujours à Assemblage Rocky, en ce mercredi 14 septembre 2016, c'est Tania Beautin. Et Mathieu Plante. Tania Beautin. Oui. Tania Beautin. C'est bien moi. Oui. Dans quelques instants, on va continuer. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a jusqu'à l'arrivée de Gabriel Léo de la chronique dans les coulisses de la Luitre. Mais avant ça, une pièce qu'on n'a pas eu l'occasion d'entendre, je dirais en général. Mm-hmm. Tu me corrigeras si j'ai tort, mais je me rappelle pas de l'avoir fait jouer. On l'a sauté hier au Palmarès Fou parce qu'elle était trop vieille. Oh, OK. C'est une pièce de Dear Hoof. Voici The Devil and His Anarchic Surrealist Retinue. Non, on ne l'a pas fait jouer. Ah, c'est okay. Told you! Bye! Bye! C'est pas bye, on revient. Mais non, je sais, on revient. OK. Mais bye pour la chanson. Ah, OK. Les chansons qui ont un silence à la fin pour en retirer. Ouais, je là. Sais, hein, ça n'a pas d'allure. Arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. Je suis en train de raconter une histoire. Là. Oui, est-ce que je la raconte en onde? Oui, je la raconte en onde parce que je ne suis pas capable de me retenir. Mais là, Mathieu, peut-être qu'il va revenir contre toi. Ouais, ben, on va voir. Ça prouverait au moins qu'on a peut-être des auditeurs chez Walmart et peut-être que ça nous donnera une commandite. Peut-être. Assemblage Rocky présenté par Walmart. T'as raison. Donc, hier, j'étais dans un magasin grande surface que je n'aimerais pas. et puis je passe aux caisses solo, aux self-caisses. Comme bien des gens font parce qu'ils veulent éviter de prendre trop de temps à une caisse, mais ça prend comme 3-4 fois le temps à la self-caisse. Oui, mettons. Donc je passe un article, bon parfait, je le mets dans le sac, J'avais des emballages de crayons parce que je me suis acheté comme 30 crayons parce que je suis le même, j'écris jamais puis je suis tout le temps en train d'acheter des crayons. Et puis là, j'avais des crayons en solo. Donc je passe le crayon sur la machine, ça me dit, ok, parfait, mettez-le dans le sac. Je le mets dans le sac. Je prends un autre crayon, ça me dit, vous l'avez déjà scanné. Mettez-le dans le sac, j'ai dit. Je le mets dans le sac. Mais c'était pas le même crayon. C'était pas le même crayon. C'est même pas la même couleur. Fait que j'en passe un troisième. Ok, parfait. Ça se calme dans le sac. J'en passe un quatrième. Vous l'avez déjà fait. Ok, gars, j'ai compris. Fait que j'ai payé 3 crayons. Puis au lieu 6. De. Ah! Oh, mais c'est peut-être 2 pour 1. Ben peut-être. Tu sais pas. Peut-être, mais peut-être. Je sais pas. Ben oui, c'était sûrement 2 pour 1. Comme ça, je me sens moins mal. T'as raison, ouais, c'était, c'était clairement 2 pour 1. Dis que c'était 2 pour 1. Dit-il. De façon innocente. Ouais, c'est ça. Bref, nous voilà au bout de cette anecdote palpitante. Au moins aujourd'hui, on n'a pas à vous dire ce qui se passe sur toi parce que bâtard, il mouille. Ouais, c'est vrai. Fait que, donc, il n'y a absolument aucune activité présentement sur le toit. J'espère que ça ne coule pas nulle part, par exemple. Ben, j'avoue que si on va vers le toit, hein. Peut-être qu'ils ont fini aussi. Non, ils n'ont pas fini. Je ne penserais pas. En tout cas, salutations aux gens de la GE qui se font mouiller ce matin si jamais il y a des trous dans votre bureau. Le cas échéant. Donc, c'est au pavillon Honoré-Beauchemin qui a de la construction sur les deux toits. Ben, en tout cas, c'est comme un toit continu jusqu'en haut de notre studio. Mm-hmm. Donc, si vous voulez voir ça de votre propre œil nu, passez par le campus du QTR aujourd'hui. Hein. Il y a des cours pareils, même s'ils mouillent, les enfants. Hein? Tout à fait. J'allais dire qu'on était rendu à une deuxième partie. On a commencé tantôt. Donc, continuons à acheter des choses ridicules. Voici, ça existe, ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas. On l'a, la cueille des choses qu'on achète sur Internet qu'on regrette instantanément. C'est le slogan de la chronique. Hein. Je dis tout à ma femme, c'est le même. La semaine passée, je me rappelle, ou il y a deux semaines, avoir parlé de barres tendres avec les ingrédients très, très minimalistes écrits en gros dessus. Oui. Donc, c'est des barres très santé, en fait. Ici, on a des granolas. Tu sais, quand tu te couches le soir, ça m'arrive des fois de prendre un bol de céréales. Faut essayer de me remplir un peu parce que j'ai faim. T'sais, des fois, j'en reviens tard après l'impro, peu importe, après le baseball cet été. Mais ça remplit pas nécessairement tant que ça. Faut prendre des céréales vraiment avec du granola dedans. Mm-hmm. Donc, voilà qu'arrivent les pochettes de Oats Overnight. Donc, c'est vraiment du granola qui est fait pour être à saveur céréalière, mais qui, à petite portion, en ajoutant du lait, va te remplir vraiment beaucoup. Donc, t'as la saveur de pomme verte et cannelle. Okay. Beurre d'arachide et beurre de banane. Ah? Chocolate peanut. Non, c'est pas ça, c'est écrit sur deux lignes, excuse-moi. Chocolate peanut butter banana. Donc chocolat, beurre d'arachide et banane. OK. Et t'as fraise et crème avec du maca, du flax, du chia, des protéines et plus avec 32 à 34 grammes de protéines par portion. Ah mon Dieu! Ce qui est quand même pas c'est mal. Bon. Les fibres peuvent vous faire durer plus longtemps que n'importe quelle céréale à déjeuner. Et évidemment, ben, le temps que ça se processe dans votre cavité scope, ça pourrait vous aider à être régulier aussi. Donc voilà, Oats Overnight, avec un mix parfaitement formulé pour vous aider à bien commencer votre journée après avoir mangé ça le soir. Chaque pochette est mesurée avec une seule portion dans la pochette. Ça inclut du gruau et ce que j'ai dit tantôt. Et pour le préparer, vous mélangez la poche avec 8 onces de lait dans une bouteille blender ou un blender puis une bouteille. Vous shakez un petit peu, vous mettez ça dans le réfrigérateur. OK, excuse-moi. Excuse-moi, ah, Tania. Ah, c'est faut que tu le fasses. Je m'excuse, j'ai complètement mal compris overnight. La phrase. Overnight dans le sens, c'est pas pour passer la nuit. Non. C'est que vous devez le mettre dans le réfrigérateur pendant la nuit. Et voilà. Je retiens mes paroles, c'était proche. C'est proche. C'était proche, hein? Donc, quand tu te réveilles, tu redonnes quelques shakes pour le défaire de son mouton, de son peloton, et tu savoures un déjeuner rempli de protéines. C'est l'équivalent de 5 œufs sans avoir besoin de sortir les appareils, les poêles et tout ça. Disponible en 3 saveurs, comme j'ai dit tantôt, pour 18$ et plus. Oats Overnight. Enfin. Ensuite, c'est un bol, un pot, pour garder votre café, votre thé et vos épices. C'est super joli parce qu'il y a une plante dans le milieu. Ah, t'aimes ça ou... Ouais, j'aime ça. Ben, c'est quand même... Quétaine, mais c'est cute. C'est vraiment cute. En fait, j'explique un peu, on dirait un vase de fleurs, mettons. Oui. Ou un bol de peu importe, de shaker. T'as un couvercle et tu détaches le couvercle, tu branches, c'est comme une petite... une plante, genre... Mais c'est la cuillère. C'est la cuillère en tant que telle, mais que tu plantes dans le milieu pour faire comme une petite plante. Et après ça, tu peux remettre le truc dessus, le revisser. Et tu mets tes épices, ton café ou ton thé dedans. Et quand tu le mets le couvercle vers le bas, non seulement ça coule pas, mais en plus, t'as... Une plante. Simili-plante. C'est cute. Vraiment le fun. Moi, pour amener un petit peu la nature dans notre monde moderne, c'est les Quali Sprout Jar. C'est comme un petit terrarium pour vos cafés, thés, feuilles, épices. Et puis c'est ça. La cuillère est super cute. C'est tout. C'est ce qu'il y a à dire. Ensuite, vous pouvez mettre n'importe quoi d'autre, ça pourrait être des bonbons, des jelly beans aussi. Ouais, vraiment. N'importe quoi. Ensuite, tiens, t'es peut-être du genre des fois à écrire sur papier. Je te vois prendre des notes pour ton émission sur des feuilles de papier, non pas sur ton iPad ou ton ordinateur. Ouais, je sais. Est-ce que c'est parce que t'as une vieille barouette comme ordinateur? Peut-être que ça aide pas. Non, c'est parce que sinon, j'y pense pas. OK. Ça me surprend que ce soit pas toi qui achètes 30 crayons à la fois chez dans un magasin Grande Surface Walmart. Ça se fait. Ça se fait des fois, hein? Ouais, quand je pogne une rage, là. Ouais. Ça, puis des agendas, parce que mon agenda téléphone, là, je suis jamais capable de me rappeler qu'il faut que j'aille voir à l'intérieur ce que j'ai. Wow. Alors, je me promène tout le temps avec un agenda papier. Eh ben, bref, peut-être que tu pourrais t'acheter ce carnet-là, qui est un carnet tableau. Ah, OK. C'est quand même le fun. On fait à part pour l'environnement. À la place de prendre des feuilles et de les jeter à chaque fois que tu t'en sers, tu échanges ton cahier avec un tableau, tableau. Piano panier. Oui, voilà. Donc, une tablette avec une base de bois solide et il y a une couverture par-dessus. C'est fait d'une peinture tableau, un peu comme dans les cafés-bars pendant un certain moment. C'était bien à la mode. Je sais pas si c'est le temps encore parce que je fréquente pas ces endroits-là. Mais on peut réécrire sur la surface, effacer, réécrire pour $24 américains. Mais, si t'écris quelque chose puis tu veux écrire d'autres choses, là, t'as perdu l'espace. Tandis que si y a un papier. Chose, tu écris comment? Ben, t'as juste un côté. Oui, mais ça. Ouais, mais ça. Ah, tu veux dire une autre deuxième note. Ouais. Quand t'écris plus petit. Ouais, ça, c'est une ligne. Ouais, j'avoue, je comprends. Ou que ça en achète plusieurs. Mais là, en plus, si tu mets dans ta sacoche ton sac à dos, puis que la peinture, elle se. Ça, c'est pas. Elle se frotte. C'est pas top. Pratique. C'est pas tant fun. Non. Mais ça existe. Mais ça existe. Est-ce que ça devrait? Je sais pas, mais on l'a. Ouais. C'est voilà. Quand même le seul titre de la chronique qu'on a compris. Ensuite, est-ce que t'as déjà voulu te boucler les cheveux, mais sans avoir à utiliser un outil électrique parce que t'es rendu super hippie? Et ou Amish? Je dois avouer que j'ai déjà essayé, oui. Ouais. Ouais. T'as fait quoi comme solution? J'ai fait des tresses. Des tresses, bon, ça fonctionne des tresses, en effet. Ouais. Ça peut faire, dépend de la grosseur de tresses, ça peut faire des frisottis plus ou moins serrés, bon. Ouais. Ben maintenant, peut-être que c'est super connu, moi je connaissais pas ça, mais c'est pour faire une coiffure qualité salon, sans endommager vos cheveux avec la chaleur, évidemment, de votre fer ou de votre tonicota, nicotone? Oui. La gondoleuse? La gondoleuse. Non, oui. Ouais, mais ça, faire à friser. Bon. La gondoleuse. Ben oui, la gondoleuse. C'est le même qui appelle ça en Italie, Tania, tu devrais savoir. Ah oui, tout à fait. Gondoleuse. Je suis pas rendu là encore dans mon Duolingo. Gondoleuse. Duolingo, c'est ça. Donc, voilà. Dépendant de comment vous placez vos cheveux à travers ce genre de tissu, ça va aider à naturellement soit les rendre plats ou faire des petites boucles de ricotta. Pour 39$, c'est comme un genre de, on dirait un chandail, mm-hmm. qui a été, ou du velours, quelque chose comme ça, et tu torsades dans tes cheveux. Il y a une vidéo pour vous montrer comment faire, ça s'appelle le Sleep Styler. Donc, vous faites sécher et vous stylisez vos cheveux pendant que vous dormez. Ah, OK. Est-ce que tu y crois? En fait, présentement, je suis en train de regarder la vidéo qui explique comment faire. La fille, elle a encore les cheveux humides. Ouais, c'est ça, parce que ça sèche tes cheveux pendant la nuit. OK, c'est ça. Et c'est ce qui fait que ça prend, en fait. Moi, j'ai comme l'impression que ça doit tout le temps tomber pendant la nuit. Peut-être, mais ça me rappelle un peu, je sais pas si tu visites souvent encore Pinterest. Ben, c'est comme des rouleaux, là. Ouais, mais Pinterest, il y a souvent la technique de prendre un T-shirt pour faire ce genre de truc-là. Ben, pour essuyer. Je sais que pour faire sécher tes cheveux. Pendant la nuit. Au lieu d'une serviette, ce qui est censé le moins abîmer tes cheveux et ce qui est censé enlever le plus grand nombre d'eau que t'as dans les cheveux après avoir pris ta douche, c'est un vieux t-shirt. Et si on suit à Mary Lou Wolfe? Et ça fonctionne. Et si on suit à Mary Lou Wolfe dans Ramdam? Hein? Ouais. C'était pas des chandails de bébé? Ouais, c'était des chandails de bébé faits en chapeau. Ouais, fait une sucre. Ben, un chapeau. C'est quand même ça, c'est en dessus. Elle faisait surtout ses couettes. Oui. Je pense que toutes les filles ont déjà essayé ça à cause de beau, ça. C'est beau. Bref, Ramdam, hein? Ouais, c'est ça. T'aimais pas ça? Ramdam ou la coupe de cheveux? Non, mais je l'ai déjà essayé, c'est pour ça. Ça marchait pas? J'avais les cheveux trop courts, j'avais les cheveux trop fins. Ouais. Bref, ils sont bien fins. J'ai essayé. Si tu veux apprendre l'anatomie, tu sais, comme moi, je le rappelle souvent, mais j'ai un problème avec mon anglais et le poumon. Oui, le foie. Les reins. Les reins. Voilà. Les reins, ça c'est les sondages légers. C'est ça exactement. Ouais, les reins. Donc, Human Anatomy Felt Toy, c'est un jouet en tissu. Ouais. Voyons, je vais en mettre la misère aujourd'hui, le tissu. Le feutre. Hey, c'est la pire journée de la traduction aujourd'hui. Une chance, ce n'est pas la journée mondiale de la traduction. Eh boy, une chance, Mathieu coulerait. Oui, comme l'eau aujourd'hui. Donc, votre prochain examen de biologie pourrait être plus facile en apprenant les parties d'anatomie avec du feutre. Dans le fond, c'est un humain en feutre avec ses parties d'anatomie en feutre aussi. Elles sont plaçables dans l'ordre, au bon endroit, sur le corps, dont le cerveau, le cœur, le poumon, Pourquoi ils ont mis les intestins bruns? Je sais pas, parce que peut-être que ce qu'il y a dedans est brun, puis si c'était transparent, tu le verrais, hein? Peut-être. Mais ça a vraiment l'air de ça. C'est un petit garçon de 14 pouces de haut qui vient avec plus d'une douzaine de parties de l'anatomie. Donc, allez voir ça, fallait 5$ américains. C'est quand même cool, honnêtement. Oui, c'est beau. J'irais pour un enfant, là, tu sais, genre à la maternelle, tout ça. Mathieu, la biologie en première année, hein? C'est quoi un rein? Oh, man. Rein. Attends un peu. OK, je vais par élimination. Langue, c'est poumon. Ouais. Kidney. Oui! Ouais. Mais le troisième, je sais pas c'est quoi. C'est liver. Liver! J'en ai tout le temps 2 sur 3, puis je sais pas lequel va avec lequel, mais là, j'en ai eu 2 sur 3, puis je savais lesquels. C'est toi qui t'as besoin absolument de ton foie pour vivre. Ouais, mais live, ça dit pas liver. L'anglais. Ah, live, liver. Ouais, c'est un truc, mais les deux autres, par contre. Ben, les reins, t'en as 2, comme des kids. Kidney. Wow! Boom! Boom shakalaka! Boom goes the dynamite! On a parlé... Ouais, les poumons aussi, t'en as 2! Hey, j'aurais aimé ça m'en rendre compte moi-même! Mais je suis désolée. J'aurais aimé ça de ouais, mais c'est parce qu'un poumon, on le sait, là. Oui, c'est celui que je retiens le plus facilement. On a-tu 2 reins? Hey, c'est pas cette question-là, là. Hey, je sais pas. Ça je pense qu'on a juste un... Non, on a 2, on a 2! Je sais pas si t'as fait un don d'organe. Hey, tu sais ma chronique de slogan que j'ai pas fait depuis peut-être 4 ans. Ouais. Slogan pour Morgane. Ouais. Don Morgane. Don Morgane. Oh! Oh yeah! Oh my God! T'aimes les bulles? Je vais dire oui pour le besoin de la cause. C'est ça, les bulles à péter, t'aimes pas ça les bulles à péter? Ah oui, oui, oui, les bulles qu'il faut... Oui, ça, j'adore ça. Bon, il me semblait aussi. Tu peux t'en procurer de plusieurs façons. J'ai vu hier dans la même section que les crayons. Chez magasin de Grand Surface. Pas de moi. Il y avait un mur avec des tablettes complètement vides, sauf pour une grosse boîte d'emballage bulle. Gigantesque boîte, là, je parle de genre largeur de. Mais il y a vendu-tu? D'un écran d'ordi moins 1. Il y a vendu-tu? Il y a vendu. Non! Je te jure. Malade. Ouais. Bref, maintenant, le prochain article que je te prépare, que je te présente, c'est du bubble wrap, mais c'est des sous-verts. Donc, c'est frustrant parce que tu ne peux pas les péter. Ah non! C'est oublie. Le... Ouais. C'est sûr que je les péterais pareil. Tu trouves une façon. Donc, le YouTuber Peter Brown utilise sa chaîne Shoptime pour montrer au monde qu'un emballage bulle peut être transformé de matériaux divertissant, oui, en, pardon, sous-verre frustrant. Donc, le processus, c'est d'ajouter une couche d'époxy, de résine c'est d'époxy ça, ouais. à un moule et d'y mettre à l'intérieur l'emballage bulle et une autre couche protectrice après. Et une fois que c'est sec, la forme est gelée dans le temps. Hein? Et ensuite, on coupe l'époxy, ça. L'époxy, en fait, c'est du vernis, hein? Il me semble, moi, c'est pas une sorte de plastique, c'est une résine. Ah, possible, ouais. Résine, c'est du plastique, il me semble. Et on montre notre manque de connaissances générales là-dedans, dans les matériaux on a besoin et. Textine. Dans la biologie et les matériaux de construction. Bref, le produit final, évidemment, ne peut plus être popé, mais ça fait quand même parler les gens. C'est quand même cool. Oui, puis tu peux laisser dans le coin de la pièce cute, de l'emballage bulle pour faire une joke aux gens. Genre, ah, tu peux pas mettre les bulles, puis après, ils font comme ils sont super frustrés, tu sors en dessous du divan, il y avait les autres feuilles de bulles. Ah! Ah, alléluia! Voilà. Ensuite, c'est cool ça. Tu sais, votre chien, des fois, il se sent comme angoissé. Anxieux. Ouais. Il y a des psychologues pour chiens, mais c'est cher. Pas vrai, il y a des psychologues pour chiens. Il y a tout dans la vie, Tania. Mais ils font quoi, là? Ils peuvent pas vraiment parler de la. Oscar, l'homme qui souffle aux oreilles des chiens. Le Dog Whisperer, c'est lui. Ok, oui, un peu comme César. César, j'ai dit Oscar. Ok, ouais, je sais. Oscar. Oscar, c'est un balai. C'est comme Guy Fieri, lui aussi, c'est un balai. C'est la version québécoise, ouais, Oscar. Oscar. Oui, ah, j'avoue, hein. Trouvez quelqu'un qui s'appelle Oscar. Roger parle au chien. Ouais, ah, yeah, Gaëtan. Gaëtan parle au chien. c'est comme Doug de Bounty Hunter aussi. Il peut y avoir genre Richard le chasseur de Bounty. Genre. Comme genre les barres de chocolat parce que c'est tout le budget qu'on a. Ah, oui, c'est sûr. Ouais. On va s'en trouver un. Bref. Assurez-vous que votre animal poilu, chien, dans ce cas-là, soit à l'aise en lui achetant ce lit pour chien anti-angoisse, anxiété. Oh. Ouais. Aussi, quand votre chien entrera dans cette boîte, des sensors de proximité vont activer une caméra, un ventilateur et une playlist musicale scientifiquement choisie pour calmer les canins. C'est comme une genre de niche qui va dans votre salon, par exemple, où les murs seraient peinturés d'une couleur relaxante. Mais ouais. Hein? Et là, t'as la petite. C'est comme une table en plus de chevet. Ben, pas de chevet, mais une table de salon à côté du divan. Et devant, il y a un trou et le chien entre dedans. Et environnement change quand il y a le chien dedans, le sensor fait la job. Ah, oh, wow. À vous. Hein? Maintenant, combien paierais-tu? Pour mon chien? Ben oui. Ouais. Ben oui. Si tu me dis que ça fonctionne, je serais prête à payer quand même cher. 350$? Ok, pas si cher. Ah, ben ça. US en plus? Oh boy! Oh boy! Ben non, wow, minute, là. Ça monte vite, hein? Oui, vraiment. Justement, tiens, toi qui aimerait dire qu'elle a l'argent pour acheter des choses luxueuses pour son chien. Oui. Elle aimerait aussi avoir l'air luxueuse, comme d'avoir une grande bibliothèque remplie de livres. Ah oui, ça, toi. Ça me parle. Ah, mais t'as pas l'argent pour le faire, avoue. Non, non, je avoue. Sais. C'est bien beau avoir des copies de tes livres de la courte échelle quand t'étais jeune. c'est pas très attirant, hein? Bon. J'ai pas de courte échelle, j'ai tous mes livres de cégep, par contre. Bon, cool. Vous avez combien? J'ai l'air intelligente, là. Une quinzaine. Ça, j'ai encore mes livres de philo, de... Ouais. D'espagnol. Le Kama Sutra. Non, ça, j'ai pas. Donc, c'est un adhésif pour le mur avec une bibliothèque vintage dessus. Ah, c'est hot! Ben oui, donc derrière toi, si tu mets assez loin pour donner une illusion de profondeur, ouais. Ou si tu prends en photo sur un réseau contact, peu importe, de loin avec l'angle, puis peut-être avec une voix iPhone 7 avec la profondeur de champ, ça pourrait donner l'impression que t'as une grande bibliothèque, t'attires un peu. C'est comme un faux mur de briques. Oui. Mais vous savez qu'il y a... Je me souviens plus où j'ai vu ça, mais tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de... Ça se fait ici à la bâtisse industrielle, des ventes de livres comme à 1$ ouais. Ou au poids. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'aller chercher des vieux livres et de juste couper comme la rayure. Oui! Mais conserver le livre pareil, là, si vous voulez lire. Mais vous pouvez comme juste coller la rayure. Tellement! Puis tu sais, chez Ikea, quand tu veux magasiner, il y a des bibliothèques qui montrent des livres. Dans le fond, c'est comme un carton vide à ouais, l'intérieur. Exactement. C'est comme une série de livres. Est-ce que tu peux te procurer ça sur Internet, peut-être? Ben, demande-le chez Ikea, peut-être. Peut-être que, tu sais, chez Ikea, c'est à peine s'ils vendent pas les mondes, le monde qui travaille là. Vendre les employés. Tu peux t'engager pour venir faire le ménage chez vous le soir. C'est ça. Ouais. Le cook, là, genre, fais-moi un fish and chip à soir. Fais-moi des petites boulettes. Des petites boulettes. Les petites boulettes, tu vois. Bref, on ajoute un petit peu de classe à n'importe quelle pièce en décorant les murs avec un papier adhésif pour le mur, bibliothèque vintage, un gros decal qu'on appelle, avec des images détaillées de livres distingués. Ce sont de vrais livres avec de vrais noms. C'est parce que les vieux livres là, sont vraiment beaux. Comparé, oui. Tu sais, je suis désolée, OK, c'est beau, là, un livre avec une Fifty Shades of Grey. Mais tu sais, une belle couverture, là, avec des images. Non, mais les vieux livres, ils n'ont pas d'images, comprends-tu? C'est ça. Ça, c'est beau. Puis les livres, couverture souple, on s'entend, ça n'a pas de classe. Non, je sais. Ou une couverture rigide, c'est comme beaucoup plus cher. Bref, c'est vraiment très cher. Ouais. Ça vient en 9 morceaux, en passant la tapisserie. OK. 42$ pour l'ensemble. C'est des faut morceaux. Faut pas vous tromper en l'installant. Non, parce que les assembler pour que ce soit. Collé avec le petit bout qui passe par-dessus, comme des tapisseries de ville qu'on voit souvent. Eux, évidemment, ils s'aident en ayant, j'imagine, mis, j'espère pour eux autres, les reliures sur sur une bibliothèque, une séparation entre les sections. Ouais, ouais. Donc, j'imagine que la section de bois doit être là où le joint est fait. Probablement. Ça paraît moins. En plein milieu du livre. Ça veut dire, des fois, on sait jamais. On sait, on sait pas, on sait pas. Ensuite, on va révéler une grandeur nature de R2-D2 de vos rêves. La compagnie Sideshow préparait donc le lancement de la figurine, entre guillemets, life-size, grandeur nature, donc grandeur taille réelle de R2-D2. C'est donc édition limitée, R2-D2 life-size figure. Hein? C'est une nouvelle sculpture de notre vieil ami R2-D2 de Star Wars, plus réaliste que jamais, avec un écran, des lumières et des sons véritables. La lumière et le son peut être actionnés, je dirais, avec une télécommande à distance qui se met dans un compartiment caché à côté du haut-parleur. Et pour ceux qui veulent ajouter encore plus de profondeur à leur histoire de R2, son dôme peut tourner vers la gauche ou vers la droite en même temps que les projecteurs holographiques. Donc R2 est sur une base à thématique Millennium Falcon, comme quand il était sur le Faucon Millénaire, il sortait d'une trappe, genre, pour que ça ressemble un petit peu à ça, pour donner un petit peu plus de prestance et de présence à votre collection. C'est pas tout le monde qui peut se permettre ça, bien sûr. Non, ça doit pas, hein? Ça doit être quand même assez dispendieux. C'est pas écrit sur le site, dans ce temps-là, c'est que c'est cher. Est-ce que tu as vu le dernier Star Wars, Mathieu? C'était écrit sur le site 7450. Oui, j'ai vu. 7450, ouais. Quand même, hein? Quand même. J'ai vu le film, je l'ai aimé, je l'ai apprécié. Est-ce que je suis la seule qui a pleuré quand on revoit R2-D2? Ah, ben non, je pense pas, parce que j'avoue. On voit... Moi, là, les films où que les humains se séparent et tout ça, ça me fait rien. Si on retrouve un robot... C'est ça, parce que... on retrouve un robot 20 ans après, là, je t'émotive. Il y aura pas de spoiler là-dedans, hein, mais dans le dernier Star Wars, il y a quelque chose avec un gros, gros punch... Oui. ...qui se passe très, très vite. Oui, quand même. Est-ce que t'as pleuré, là? Quand même. OK, bon, ben, au moins, t'as pas un cœur de pierre. Non, j'ai pas un cœur de pierre. J'ai quand même... J'écoute beaucoup de films où je pleure, là. T'sais, j'ai écouté un film de Disney, là, dernièrement. Ouais. Puis j'ai pleuré, mais... Marlez-moi pendant plusieurs heures, t'as pu t'éclair? Non, ça, je suis pas capable, les films de chiens. Ouais. Non, j'ai de la difficulté. Ouais. Non, mais je l'ai déjà vu, mais on dirait que j'embarque pas. C'est comme les films d'animation. Tu sais, hier, on parlait des films d'animation. Ouais. Là, j'ai de la difficulté. Même chose, les films de chiens. C'est trop bébé? Ben, c'est pas trop bébé. AirPod, joue au basket. C'est peut-être parce que si... J'écoute ça de façon au point tel que j'écouterais n'importe quel autre film. Probablement que je broye la vie à la fin. Je comprends. Hey, est-ce qu'ils ont fait un Airbud où il fait de la course de char? Ah, j'aimerais ça. C'est le fun, hein? Parce que je joue au soccer, basket. C'est vrai. Hockey. C'est vrai, t'as raison. On parle souvent, vas-y. Non, mais je suis du genre à pleurer dans des films sportifs. Ouais. Ben oui, ça me surprend pas du tout. Pas à pleurer dans des films Smith genre de Nicolas Sparks. Ça dépend lesquels. OK. Mais bon, c'est ça. Non, pas pour ça, mais pour la morale derrière. Ouais. Tu vois? Ouais. L'accomplissement d'un rêve. Ah! Là, je vais pleurer toute ma vie. Enfin, qu'est-ce que c'est beau. Pauvre Tania, pauvre Tania. On parle souvent dans cette chronique-ci de boîtes sur commande qu'on reçoit tous les mois en s'inscrivant. Oui. Bon, c'est pas nouveau. Alors, on a parlé de jouets pour chat, jouets pour chien, de l'alcool fort, douce, peu importe. Maintenant, c'est une boîte Kawaii Box. Tu sais, kawaii, c'est quelque chose, c'est japonais. Mm-hmm. Ça veut dire quelque chose de cute en japonais, genre du kawaii. Bon, on connaît ça un peu. Donc, la Kawaii Box. Tu connais le japonais? Hein? Tu connais le japonais? Je connais la culture japonaise un minimum. OK. Un minimum. Comme le K-pop de Corée, on ouais, sait. Ouais, c'est ça, et voilà. Hein? Donc, à chaque boîte Kawaii Box, tu envoies entre 10 et 12 trucs super kawaii choisis à la main du Japon et de la Corée. On s'entend que la culture coréenne et la culture japonaise sont quand même assez proches par moment. Avec shipping gratuit partout dans le monde, Estamundo, même à Trois-Rivières. Tres Rivières. Wow! Entre 17,90$ et 19,80$, dépendant de votre abonnement. Et c'est aussi... pardon. Oui, c'est comme si quelqu'un allait t'acheter des trucs dans les magasins japonais du coin et t'es envoyé dans une boîte. Voilà. Ah, c'est merveilleux. Kawaii Box. Est-ce que t'as vu dernièrement dans un certain magasin que je ne vais pas nécessairement nommer parce qu'ils nous ont pas donné d'argent? T'avais bien fait ta liaison le premier coup puis tu l'as annulé, mais c'est pas grave. Oui. OK. Dans un certain magasin. Voilà. On peut retrouver maintenant des porte-clés puis tu sais ce que tu mets en dessous de ton miroir dans des ta voiture? Pandouilles. Ouais, c'est ça. Des pandouilles, appelons ça comme ça parce que ça sert absolument à rien. Casse pas ta tête. D'emoji de caca. Ouais, ah ben tabarnouche. Hey, là, ça me rend heureuse. C'est le summum. Dans ton auto? Mais c'est mon emoji préféré. Mais est-ce que ça sent le caca? Mais non, ça sent pas. Mais que, ben, ça devrait sentir quelque chose. Mais je n'ai pas acheté. OK. Mais il y en a. Il y en a. Y ça en existe. Ils en ont sorti. Mais c'est pas... Tu sais, t'as une panoplie d'emojis, mais l'emoji de caca, mesdames et messieurs, est là. Il fallait. Courez le chercher. Mon preuve, c'est les lunettes de geek. Oui. Puis le bonhomme qui rit en pleurer. Ah oui, ça aussi. Ben, il était là. Good. T'en as en porte-clé. C'est pas genre le plus populaire au Canada, le bonhomme qui rit en pleurer, je pense que oui. Ah, peut-être, je sais pas. Ou le caca. C'est bon. Bref, le caca. La Kawaii Box, est-ce que tu veux savoir ce qu'il y a dedans? Ouais, vas-y donc. T'as une sacoche en petit gâteau. Ah, wow. Wow. T'as une pandouille, mais de téléphone cellulaire en popsicle. OK. En plus. T'as un ensemble de papier chic, là, tu sais, du stationery, avec des beaux petits animaux. Oui. T'as un ensemble de bagues kawaii. T'as un crayon à l'encre, gel d'encre. Rose à glitter, c'est sûr. Jean Sparkle, ouais. Diamond sûr. Sparkle. Non, mais c'est japonais. T'as un fond de bumper, donc un contour de téléphone pour protéger le contour de ton téléphone. En genre le bracelet. Et t'as une deuxième partie là, que je veux pas tout lire, là, mais il y a le double de ce que je viens de dire. Une efface, trucs de lettres, autocollants, porte-clés, lunettes de soleil et des petits bonbons. Ouais. Pas pire ça. Ah, attends un peu. Non, le dernier, c'est un do-it-yourself candy. Tu sais, sur YouTube, là, les bonbons japonais en poudre là, que tu mets de l'eau puis ça devient des bonbons. Hein, oui. Que tu brasses, ça devient. En tout cas, il y a ça dedans. Ah. Kawaii Box, j'ai-tu l'air excité, tu penses? Parce que oui. T'es vraiment excité par cette boîte-là. Mais j'aime ça, la culture japonaise. Bon. T'es du genre à aimer les mangas. Ouais, ben, j'aimais ça quand j'étais jeune. Là, j'en ai pas acheté récemment. J'achète encore les barres dessinées des fois. Là, j'ai les Scott Pilgrim chez nous, mais. OK. Elle connaît pas Scott Pilgrim. J'espère qu'une majorité du public connaît Scott Pilgrim. Hey, je connais Spider-Man, Batman, ouais. Iron Man. Mais le film Scott Captain Pilgrim. Le film Scott Pilgrim avec les effets de jeux vidéo qui sortent dans l'écran. Oh, les bam! Oui, mais c'était basé sur des bandes dessinées. Il avait pas les cheveux jaunes, lui? Non. Ah non? Il y a un personnage qui a les cheveux jaunes dedans. Ok. C'est pas lui. Ben, lui, je connais lui, là. Sinon, je connais pas. Non. Bref. Mais la culture. Cette culture-là, je la connais moins, mettons. Ouais. Ouais. Ben, c'est pas grave. Pas grave, hein? On t'aime pareil. Tu me pardonnes? Ben oui. Je reçois des messages comme quoi j'ai l'air d'avoir fait du speed. Hein? Je tiens à vous dire. Hey, et moi donc? Que ce matin, je n'ai fait aucun speed. Pas à date. J'ai bu 3 gorgées de café ce matin. Ah. C'est tout ce que j'ai réussi à boire. Tu l'as pas amené avec toi? Non. Il était rendu froid. Ah ouais. Mais non, je sais, je réalise depuis un certain nombre d'années que je l'ai mis ici. que je parle très vite. Oui. J'écoute moi-même la reprise du Matthew Plante Show. Si vous trouvez que je m'entends. C'est ça, là. Ouais. Ouh. Si vous pensez que je parle vite à Assemblage Requis. Écoutez le Matthew Plante Show. C'est x2 au Matthew Plante Show. On dirait que la musique que tu fais jouer t'entraîne. Ben oui, mais c'est sûr. C'est ça. Parce qu'à l'Assemblage Jockey, j'ai choisi des thèmes assez zen, sachant que je parlais vite. Alors qu'on m'a suivi plein de choses, je veux rentrer le plus de contenu dans le moins de temps possible parce que je peux pas remettre à la semaine prochaine parce que c'est des nouvelles courantes. Et voilà. Les gadgets, là, sérieusement, présentement, je suis sûrement en train de faire des nouvelles de vlog, genre 6 mois. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je regarde pas les dates. Personne qui le sait, on vous le dit. Non, pas. Mais je mets ça dans un bassin de liens, puis j'en prends 20 à la fois. Mais oui. C'est ce que je fais, tu sais. Mathieu Planchot, c'est là que ça se passe. Ouais, ouais. Alors, est-ce qu'on continue parce qu'à date, notre chroniqueur. Ouais, c'est ça. C'est le premier de la session. C'est peut-être ça. C'est pas grave. Donc, continuons avec Amphiro, qui est un motivateur de douche. Attends, quoi? Je parle pas de douchebag motivateur. Je parle de motivateur de douche. Il va te motiver à aller prendre ta douche? Plus rapidement et à économiser de l'énergie et de l'eau. Ah, ça, j'essaie de le faire par moi-même. Tu vois, hein, je savais que j'allais te convaincre. Donc, c'est le Amphiro Shower Meter. C'est un smart meter, donc un mètre intelligent, qui s'installe entre la hose, la douche, la pomme de douche, entre la pomme de douche et le tuyau de douche, on se comprend. Okay, et ça montre la consommation d'eau en temps réel, la température de l'eau courante et la cote d'efficacité énergétique. Ça aide aussi à vous motiver à prendre votre douche plus rapidement et sortir rapidement. Il y a aussi une petite animation vraiment cute, super kawaii, d'un ours polaire en train de fondre sur un iceberg en train de fondre. Pour te motiver, toi et les enfants, entre autres, à sortir plus rapidement de la douche. OK, parce que moi, ça me motiverait zéro, là, un autre non, polaire. Non, c'est ça. Alors, t'es tellement sans cœur. Non, mais mettez-moi Ryan Gosling, quelque chose correct. Maudit, t'es superficiel. Donc, c'est du. Mais là, Mathieu. Ben oui, mais là. T'as un ours polaire qui fonce sur un glacier, ça va te motiver à sortir de la douche. Moi, je regarde les publicités à TV, là, genre avec sauver les chiens, sauver les chats, là. Puis tu pleures. Puis je pleure. Non, pas moi. Moi, je suis de même. Ce que je me demande, Mathieu, c'est environ combien de litres ça prend une douche moyenne? Je le sais-tu? Ben, ça a l'air de. Sur toutes les photos, ils ont l'air de dire 23-24. Ça se peut, mais. Le gars qui a pris sa douche en 6.3, là. C'est vraiment rapide, galon. C'est rapide, galon. Genre, il s'est lavé le. Galon. Galon. Hein? Galon. Ok, okay, pas en minute, parce que moi, en minute, c'est genre 10-15. Ça dépend. Ça dépend? Ça dépend. Qu'est-ce que tu fais dans la douche? J'ai vu un truc. J'ai vu un truc. Il y a énormément de bénéfices de prendre une douche froide. Oui. Hey, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire de plus en plus. Apparemment, le conseil, c'est froid, chaud, froid, sort. Ouais. Ouais. J'entends dire ça, je sais pas pourquoi. Pour le cœur. Hein. Le cœur. C'est ça. Pour l'hygiène aussi. Le chaud, là, mettez-le quand vous rincez, mettons. Ouais. Puis là, tout de suite après, tu mets ça à froid. Ça réveille en maudit. C'est meilleur pour les cheveux, apparemment. Ah ouais? Et les pores. Oui, les pores de la peau. Quand tu baignes ton cochon. Ouais, les pores sous le glacier. C'est ça, ouais. Oui, c'est ça. Refroidir les pores. Quand t'es tu sais, quand t'as un petit appartement, un nid, pis que le fourneau est à côté de ta douche. C'est ça qui arrive. C'est pratique. Amène tes spaghettis. T'es rôti, hein? T'es rôti. Donc, ça utilise le gadget dont on parlait il y a 20 minutes. Ça utilise l'eau comme courant du gadget pour en plus économiser dans l'énergie. Ça se fait tout seul en plus, le gadget, genre avec le temps. Tu vas économiser tellement d'argent d'eau. Tu peux plugger un séchoir dedans aussi. Oui. C'est sécuritaire au bout. C'est pas pratique. Ça se couche pas en même temps. Non, mais là, Mathieu, s'il te plaît, il faut que tu avoues que le petit ours polaire ne te motivera absolument pas. Ben, vu que c'est pas. Il est un dessin, j'avoue que moins. OK, merci. C'est un peu dangereux aussi. C'est une photo d'un vrai. Moi, ça me motiverait à prendre une douche très courte s'il y avait un ours polaire dans la douche. Je sais pas, je prendrais ma douche, honnêtement. Non, non. Ça s'appelle le Amphiro Smart Water Meter. On va terminer là-dessus parce que, Colin, on a d'autres choses à faire. Il faut sortir de la douche parce qu'on fait notre chronique dans une douche tout le temps. Hein? Oui. Bon. C'est comme la chanson de qui déjà dans le bol marin? Est-ce qu'il sonne comme s'il était dans une piscine? C'est le bon anneau? Ah, c'est peut-être Catherine, ça. Ça marche pas penser de l'effet qu'on fait en dire qu'on parle dans une canne de thon. Ouais, je sais. Tu sais que t'aimes pas le thon. On dirait notre diffusion du grand. C'est comme quand le stream marche mal. On dirait qu'on sent comme ça. Ouais. Je sais que nos auditeurs vont faire genre « Mais qu'est-ce qu'ils ont les gens comprennent pas, les gens comprennent pas. Des fois, le son assez fou, il est de la grosse colline de marbre. Hey, il faut que vous compreniez que c'est le premier mercredi qu'on décide qu'on est genre là tous les matins. Là. C'est le milieu de la semaine pour nous. J'avoue, la semaine passée, on a fait juste 2 émissions. Exactement. Et là, on en fait 4. On est dedans. Là, on est dedans, mais on est aussi fatigués. Là. Fait que donnez-nous une chance. Oui, on a dormi encore une fois un genre de 3-4 heures cette nuit, en tout cas moi. Ouais, toi. Moi, toi, non? Non. Hey, à 11h, je suis couché. La vie privée, ça va faire. Non, c'est ça. On dirait Hillary Clinton, bâtard. C'est ça, c'est ça. Communiquais-tu avec l'Asie, Mathieu? L'Asie. Ben, t'aimes les boîtes de K-pop pis le tout kawaii. Ça? Le kawaii. Je suis en train. Tu vois, gars, les auditeurs comme Gabriel comprennent pas tes gags. Non, c'est mais quoi, c'est parce qu'il faut qu'ils écoutent l'émission avant d'arriver en studio. Voilà. On peut aller juste occuper à me dépêcher à arriver en retard. J'ai l'impression de faire attendre 10 minutes. C'est ça qui arrive. En tout cas, le gars qui voulait le chronique à 9h moins quart, ben, pas mal ça que ça va donner. Oui, exactement. Vraiment, ça va être un 15 minutes de Gabriel. Voilà. On va faire attention les prochaines fois. On commence. Ouais, non, c'est pas grave. Tranquille. Alors, on prend une pause au retour, vous l'avez entendu, c'est Gabriel Béhoud. À tout à l'heure. Et la chronique dans les coulisses de la lutte, restez là. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Toujours à l'assemblage requis en ce mercredi 14 septembre 2016. C'est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Ok, oui. Tantôt, t'as dit que c'était notre premier mercredi. La semaine passée, on a fait mardi-mercredi, fait que c'est notre deuxième. Ouais, mais c'est parce qu'on n'avait pas fait lundi, mardi-mercredi. Là, il y a une différence. On n'avait pas fait lundi et jeudi la semaine passée. Vous voyez, ça a un effet sur notre mental. Un effet secondaire. Parlant de secondaire. Ben oui. C'est un enseignant. Ouais. Enseignant secondaire. Oui. Hein? Vrai? Comme ma chronique, c'est aussi d'une importance secondaire. Wow, c'est. Mais c'est pas grave, je t'ai amené des pommes pareilles pour pouvoir t'y lancer. Oui. Est-ce que tes élèves t'écoutent? Est-ce que tu dépend. Veux les saluer? Non, je pense pas qu'ils écoutent, c'est fou. Ah, OK. Bon, ben, laissez faire d'abord. Ils sont trop plates. Ils sont pris dans l'autobus. Ils sont trop jeunes. Ils sont en cours, hein. Ouais. Ils sont tous des criminels, ils sont en cours. Il y en a que des fois, tu te demandes. Oui, en effet. C'est des rebelles, hein. Ouais, en effet. Des robots et des rebelles. Hey, les gags plates, ça va faire. On va y aller avec des gags un petit peu plus drôles parce que Gabriel Béhoud est un humoriste professionnel dans la Ligue des universitaires d'improvisation de Trois-Rivières. Mon Dieu, Mathieu, tu vas me faire rougir. C'est dans les coulisses de la huître. Comment était ton été? Hey, très bien, Gabriel Béhoud, membre fondateur de cette saison de la Luitre et capitaine de l'équipe des Rouges. Oui. C'est encore ça cette année, hein? Oui, exact. Pour la deuxième année consécutive, la troisième année consécutive, je suis dans les Rouges, la deuxième où je suis capitaine. Quand tu disais tantôt que je te faisais rougir, c'est bien pour la cause. Oui, c'est ça, exact. On a de la suite dans les idées. Voilà. Nous, notre été, Tania et moi, a continué tout l'été, contrairement à l'année passée. On a animé ensemble tout l'été, les mardis après-midi. Ce qu'on fait encore le reste de l'année avec les Palmarès C'est fou. Donc, on a continué la station un petit peu. Cool. C'était mollo. Là, on vient le matin graduellement. Oui. Mais je sais que la Luitre, elle, était complètement off d'activité à proprement dit. Oui, exact. Donc, la Luitre, on était, pour la plupart des joueurs, on était tous en congé d'impro. Ouais. Sauf que cet été, il y a une ligue d'impro. Estival qui s'appelle Wombuzo. Wombuzo! Le W-H-O-M-B-U-Z-O. Oui, c'est comme la WWF, mais avec beaucoup plus de lettres. Exactement. Donc, ça se déroulait au Tipetac les jeudis soirs. C'était une initiative de Louis-Étienne Villeneuve. C'était super le fun. Oui. C'était dans un cadre plus hawaïen. Donc, on faisait plaisir aux dieux de l'impro. Killua et autres... C'est Wombuzo. Wombuzo. Ouais. Avec des animateurs tout le temps super le fun qui faisaient parler le Wombuzo. On pouvait réveiller le Wombuzo. C'est ça. Qui donnait des défis aux joueurs de devoir faire le reste de l'impro sous la pluie ou peu importe. Ouais, c'était un brin chien. C'était pas mal pire que ça, je te dirais. Il n'y avait pas vraiment de gagnant en tant que tel? Il y avait l'équipe qui avait le plus plu aux dieux. Oui. Gagnait. Voilà. Donc, il y avait un système de votation un petit peu différent de celui de la Luitre. En soi, l'impro était bonne, très bonne ou Wombuzo. Donc, c'était rare, ça. Oui, exact. Donc, l'équipe gagnante, c'est celle qui avait le plus plu aux dieux, donc qui avait le plus de Wombuzo à la fin de la saison. Et il y avait aussi des invités spéciaux à chaque semaine. Ah oui, ça, c'était malade. À chaque jeudi, en fait, on avait un invité, un improvisateur d'une autre ligue. Donc, pas nécessairement de Trois-Rivières. Et puis, c'était le fun, ça a amené de la diversité. Puis, c'est surtout que ces joueurs-là agissaient à titre de joker. Ouais. Donc, de sacrifier aux dieux, si on veut. En gros, leur rôle, c'est qu'ils jouaient pour les deux équipes et aucune à la fois. Donc, ouais, c'était bien fun. Fantastique. Je travaillais malheureusement les jeudis la plupart du temps. Donc, j'ai vu seulement un match, mais j'ai adoré ma participation. Ouais, moi, j'ai participé à mes matchs. Je n'étais pas là pour les autres parce que moi aussi, j'étais dans une situation d'emploi. Ouais, c'est difficile de travailler l'été, hein. Oui, c'est. Mais c'est le fun, justement, de revenir à l'école pour ça. Absolument. Est-ce que ça revient l'année prochaine? Est-ce que c'est confirmé? J'espère. Ça, j'en ai aucune idée. J'aimerais bien, en tout cas. Faudrait. Je le souhaite à Louis-Étienne. Si c'est pas Louis-Étienne qui lègue le concept à quelqu'un d'autre parce que c'est trop bon pour pas perdurer, c'est beau, c'est coloré, c'est très, très hawaïen. C'est rose et fuchsia. Exactement. Il y a des petits slogans en, je sais pas, la langue hawaïenne, là. En kalikoukou. Kalikoukou. Wakiki, wakiki. Ololo. Oui. Je connais tous ces mots-là. Bien sûr. Donc ça, c'était le Wamboozle. C'est terminé maintenant. Je crois que ça a fini sa saison pour Tipetak. Vu que ça n'a pas fermé, Tipetak, que ça a fini sa saison, je crois. C'est une bonne question. Je crois que Tipetak a fermé. Tania, es-tu au courant? En tout cas, aux dernières nouvelles, le Tipetak était fermé. Voilà, c'est ce que je croyais. C'est ça. Ouais. C'est ce que je croyais. C'est malheureux parce qu'il y a plusieurs salles de spectacle à Trois-Rivières qui ont fermé. Mais ils ont perdu un de leurs. Ils étaient deux propriétaires, ils ont perdu un des propriétaires et c'était difficile de continuer sans l'autre, je crois. Non, en effet, c'est ça. Ouais. Bref, peu importe, là, peu importe parce que c'est. Non, c'est un peu dommage. C'est pour eux autres, là, mais il va falloir trouver une nouvelle place. Exact. Mais ça, c'est un autre tout autre sujet. Là, on parlait de l'été du Wamboozle. Il y a eu d'autres choses qui sont créées cet été. Bon, on pourrait parler de la nouvelle ligue de Louisville, Lille. L'AI qui revient, ligue des politiques qui revient cet automne aussi. Ouais. Mais là, le plus près de nous, c'est la Luitre. Oui, en effet. La ligue universitaire. Ben oui, il y a même eu un match lundi, Mathieu. Lundi soir, c'était le match Punch Club Style. Oui. C'était pas officiellement appelé comme ça. Le match des capitaines, certains diraient. En effet, ben c'est un match vraiment particulier, c'était super le fun à jouer en tout cas, puis je pense que le public a répondu un par sa présence, puis deux par l'enthousiasme qu'il y avait dans la foule. Un match de style Punch Club, Mathieu, là, c'est pas compliqué, c'est de la street impro, il n'y a pas de règlement, il y a seulement 4 turfs. Ouais. Donc quatre turfs? Oui, des territoires qui appartiennent à chacune des quatre capitaines. Westall, Trois-Rivières Westall. Exactement. Il y avait Bas-du-Cap, il y avait Saint-Louis-de-France, puis Chaoui. C'est ça. Chaoui. Donc, Chaoui. C'est ça que je dis. Ouais, c'est la quatrième position. Ouais, c'est ça, exact. Non, mais blague à part, c'était le fun. Les capitaines étaient jumelés avec d'anciens capitaines de la Luitre. Des gens de la Lime, finalement. Ouais, ben pour la plupart, c'était oui. C'était un match Lime-Luitre, mais c'est une autre formule, si on veut. Si on veut. Donc, c'était tous des anciens. C'était super. Les capitaines de chaque équipe ont joué. Donc, ça a révélé pour la première fois devant public les noms des capitaines de l'automne et l'hiver 2016-17. Ben qui oui. sont-ils, ces capitaines-là de chaque équipe? Il y a Mathieu. Pour l'hiver, il y a Marc Lachance. Oui. Pour les oranges, Alexandre Marchand, qui était dans les rouges l'an passé. J'ai eu la chance de jouer avec lui. Maintenant, c'est ton ennemi juré. Ouais, c'est un compétiteur chevronné. Et puis, pour les bleus, ben il y a le fatigant, là, Vincent Rainville. À même place, est toujours passé. Aussi bon. Exactement. Et puis, dans les rouges, ben c'est ça, il n'y avait pas d'autre capitaine que moi. Fait que, ben, par défaut, je tombais rouge. C'est la première expérience qu'on avait de Marc Lachance en tant que capitaine ultra vulgaire. Ouais, c'était quelque chose. Moi, je pensais voir la police débarquer durant le match. Pour, mais ça, à l'époque, il y a des mineurs, là. Non, en effet. Non. Mais tout ça, le cabotinage de Marc Lachance, on dirait, a influencé les gens de la Lime, barre oblique, ancien de la Luitre, barre oblique, couramment, sans emploi pour certains. Donc, il y a... Ouais. C'est une blague. Donc, il y avait Marc-André Fortin. Ouais. Qui était jumelé avec... Avec moi, dans les rouges. J'ai eu beaucoup de plaisir, d'ailleurs, avec un très comique. Truc Dave Bailey. Oui. Truc Dave Bailey. Donc, Dave, il jouait avec Vincent Rainville, si je ne me trompe pas, dans les bleus. Max Tanguay Tanguay. Oui, lui, ben, il jouait avec Alex Marchand. Fait que c'est un duo, d'ailleurs, qui a remporté les honneurs. Là, ils se sont rendus en finale. Et puis, ouais. C'est eux qui ont fait de la nudité? Il y a eu beaucoup de nudité, je te dirais. Tout le monde était en chest à un moment donné. C'est arrivé, oui. Même Alexandra? Non. OK. Qui était le dernier capitaine? Je m'excuse. Oh là là. Le quatrième, attends un peu. Ah, ça, c'est gênant. Maf. Oui. Dave Bailey. Oui. Max Tanguay. Oui. J'aurais dû amener des notes, Mathieu. Colin, je m'attends un peu. Non, moi, mais je sais. En plus, je suis d'une pourriture incroyable avec les. Ah, c'est noms. Alex Gauthier, excusez-moi. Oui, voilà. Je l'adore. Alex Gauthier, c'est celui que je connais le plus, puis j'ai juste oublié son nom. Là. J'aime sa façon. Mais Alex, il jouait avec Marc, et puis ça nous a donné. Ça a donné lieu à une moitié de match très pimenté. C'était divisé en deux, c'est ça. Donc, c'était deux équipes ensemble au début, deux équipes ensemble après, puis après ça, les deux s'affrontent, puis après ça, à la fin, les deux qui ont gagné s'affrontent ensemble. Un tournoi, là, un genre de mini-tournoi, si on veut. Puis Les Rouges ont remporté la première moitié contre les Bleus. Ouais. C'était très serré d'ailleurs, remporté par un point. Ensuite, les Oranges ont eux aussi remporté par un point contre les Verts pour donner une place à la comme troisième partie slash finale de la partie. Et puis, c'était Rouge contre Orange. Ouais. Et puis, ça aussi, ça a été très serré. Ça a été remporté par un point, encore une fois. Et pas par toi. Non, en effet. On parlait Orange. On parlait Orange. Puis ensuite, on a le droit à un duel entre le capitaine actuel, donc Alex Marchand, et Max Tanguay. Qui est d'ailleurs un maintenant retraité de la lutte. Il était arbitre jusqu'à l'année passée. On lui a fait une cérémonie de revoir. Ouais. Et la première affaire qu'il fait en 2016-17, c'est de revenir sur la scène. Exact. C'est vrai parce que tu peux retirer le gars de l'impro par lui-même, là, il n'a pas été sacré d'or. Mais tu peux pas enlever l'impro du gars non. de la lutte. Non, c'est ça. C'est sûr que son niveau t'a laissé à désirer, mais c'est pas ouais, ça. Ouais, ben ça, tu sais, c'est ça. C'est Max Tanguay. La barre est là. C'est ça qui arrive. Donc, c'est ça, c'est un fake-out la finale parce qu'il y avait, comme tu disais, l'affrontement entre les deux joueurs en solo et le gagnant, étrangement. Ben, tu sais, c'était de la street impro. Fait qu'on veut savoir dans la gang qui est le meilleur, tu sais, pour savoir qui sera le chef. Et je pense que la foule avait son parti pris. Ben, ça a été serré, mais moi aussi, je donnerais la victoire à Alex Marchand, qui va être le capitaine des Oranges pour la saison, puis ça l'augure bien, là, je vous dirais. Alex Marchand, là, c'est l'étoile montante de la lutte. Ah, il est fort, c'est incroyable. Recrue, c'est ça? Il a d'abord été, si je ne m'abuse, il a été sub. Sub, c'est ce que je voulais dire. Oui, sub. Substitut, donc, il jouait pas souvent la première année. Non. Ensuite, joueur régulier la deuxième année, ça c'est l'année passée, et cette année, capitaine. Donc, étoile figurante, pareil comme Vincent Rainville, ça monte à des stratosphères. Des joueurs comme ça, Frédéric Bernard. Ouais, Fred d'ailleurs, il fera plus partie de la Ligue. Si non, malheureusement, il est rendu à Montréal. Ouais. Absolument, il est plus chroniqueur à l'émission, on l'a perdu, Fred Bernard. C'est Fridou, on l'a. Ouais. Donc, le match est animé par Alex Drouin et Pascal Chouette-Johnson. Oui, et ça s'est super passé. Voilà. Mais c'est le catchphrase de Pascal Chouette tout le long du match. Je pense que focus up, Mathieu. Focus up, heads up. Shit's going down, oh shit. Ouais. Ça se super passe. Et il y en avait une autre expression, c'était. Attention, c'était quoi déjà? En tout cas, il y en avait d'autres. En tout cas, moi, j'attends toujours la mixtape de la DJ. C'était incroyable. On a le droit à du gros hip-hop. Très sale. C'était vraiment accrocheur à souhait pour la foule. Tout le monde était dedans, ça hochait de la tête. Il y avait derrière, pour commencer, j'étais en train de parler des animateurs avant de passer à notre sujet. Alex Drouin était plus celui qui faisait du background vocals, on dirait. Pascal Chouette animait principalement le match. C'est eux qui dirigeaient les impros et qui demandaient au public de voter de façon magistrale. Et il y avait un cypher qu'on appelle. Qu'est-ce que c'est un cypher? Ça, c'est en fait, c'est toute ta crew qui était derrière. Donc, choriste. Exact. Ouais. Donc, sont là pour t'encourager quand tu viens de faire un bon punch, étant donné qu'on est dans un punch club. C'est pareil comme un petit combat à l'école secondaire quand deux gosses battent. Exact. Ouais, c'est mais ça. Là, le monde autour qui crie. Ouais. Ça, il n'y aura pas ça durant la Ligue. Non, malheureusement. Parce que c'est un match spécial, puis la Ligue commence dans deux semaines, Mathieu. Oui. Ah, mais les équipes sont pas encore faites. Non, absolument pas. Donc, on invite les gens à venir à un camp de recrutement. Hey, t'as-tu vu? Camp, c'est quoi? T'es bon, dans la transition, t'as cette carte. Ah ouais, ma transition est incroyable. C'est malade, hein? C'est ça. Ça a passé comme du beurre dans la poêle. On peut arrêter d'animer. Non, mais c'est ça. C'est ça. Mais non, en fait, le camp, c'est la semaine prochaine, là, le 19 et 20, le lundi et le mardi soir. En septembre. Ouais. Oui, exact. 2016. 2016, OK. Ouais. Oh, ouais, wow. Bon, c'est lourd. Année du Seigneur. Et voilà. Ouais. Et puis, année du Seigneur. Ouais, moi avec, j'ai déjà fait quoi? Mais, ouais. Donc, c'est la semaine prochaine. Le camp de sélection, en fait, c'est assez simple. C'est deux soirs où plusieurs recrues ou anciens joueurs se présentent, en fait, devant les nouveaux capitaines. On leur fait faire des petits exercices, souvent des impros à deux, en fait. Mais vous leur faites faire rien. C'est les coachs qui leur font faire ça. Ouais, donc on vous les juger. C'est ça, on a deux personnes pour animer la soirée. Les coachs, c'est simple, c'est Louis-Étienne Villeneuve et puis Rémi. Les mêmes depuis plusieurs années quand même. Ouais, ouais, ils sont assez bons là-dedans. Pas des réguliers, ils ont chacun leur technique très, très, très, très, très, très, très différente. Oui, donc on voit justement là, des facettes très, très, très différentes des joueurs. C'est le but, hein. Donc oui, on inviterait là, n'importe quelle personne qui disait hey, « je faisais de l'impro à secondaire 1 à Warwick ». Ben, vous avez le droit. Ouais, non, c'est et à fromage. Oui, c'est ça, surtout. Donc, on pas accepte le tout le monde, sauf le monde d'Actonville. Et puis, non, mais blague à part. Chaoui. Ouais, non, Chaoui, c'est une mine d'or. Mine d'or? Dans l'art de l'improvisation. Il y a beaucoup de Shawinigané dans la lutte? Une. C'est ça. Je sais pas, j'ai aucune idée. On se posait la question, en fait. Je sais même pas. Il y avait pas d'interrogation, sous-entendu. Généralement, les gens sont un peu gênés de le dire, donc... Ben, j'espère. C'est pas vrai, on s'adore. Ah, non, c'est H, oui. On n'est pas écouté là-bas parce que le 91 ans n'est plus par-dessus. Mais j'allais dire que c'est préférable... de loin de se préparer pour les deux jours. Oui, ouais, ben... Mais c'est arrivé que des gens qui étaient à un seul match soient choisis. C'est arrivé. Ouais. Mais mettez les chances de votre bord si vous êtes capable. Oui, puis tu sais, il y a pas tant de pression. Oui, il y a de la pression puisque, évidemment, vous allez jouer devant les quatre capitaines, donc on se le cachera pas, il y a un petit peu de pression. Oui. Par contre, il y a pas d'arrêt de mort, là. Là. Non. C'est pas... si vous présentez au camp, vous êtes choisi ou pas. Inquiétez-vous pas, là, on va continuer à vous dire bonjour, on vous fassera pas dans les couloirs. Je pense que la... Pas d'intimidation. Non. La plupart, sinon, tous les gens qui ont fait le camp se sont moins présentés en tant que public. Ouais, donc, non, c'est un poste qui est ouvert à tous public. Non, exact. Ouais. C'est ça. Fait que au moins, ça, vous êtes sûr d'être choisi dans le public. Ouais, un succès pour vous. Il y a du monde qu'on se demande justement encore pourquoi ils sont dans le public, mais ça, c'est une longue histoire. Non, c'est le camp, là... c'est une très belle expérience. D'ailleurs, si vous êtes choisi ou pas, ben, ça vous donne quand même des galons, voire ça vous prépare pour des camps futurs, puisque la plupart des ligues fonctionnent avec ça, un camp. Notamment ici à l'université, puisqu'il y a quand même un bon roulement dans les joueurs. Il y a 20 places quand même, puis il y a beaucoup de gens qui finissent leurs études. Non, non, c'est ça, exact. Puis, en fait, les critères, c'est simple. Il faut être étudiant à l'UQTR. Un humain. Ouais. Un de préférence. Oui, idéalement. Faut étudier à l'UQTR, puis, ben, faut pas avoir peur du ridicule. Je pense que c'est pas mal ça, les trois critères. Faut être libre les lundis soirs. Ouais. Fait qu'en gros, là, si vous répondez à deux de ces trois critères-là, hein... on est déjà bien parti. Non, exact. Ouais. Raconte-nous ton parcours en tant que camp, toi. Ben, t'es pas un camp personnellement, mais au camp, là. Ouais. Est-ce que tu l'as pas fait à un moment donné puis t'as pas. Oui, oui, exact. Mais c'est ça, c'est. Lorsque je vous disais qu'il y a vraiment aucun arrêt de tu sais. D'autobus. Non, devant, exact. Devant on vous donne vraiment votre chance. C'est que moi, ma première année. J'avais pas été choisi. Le camp, c'est vraiment, c'est quand même particulier. Un camp aussi, c'est pas. Des fois, ça vous rend pas, ça vous rendra peut-être pas justice à 100%. Mais t'es libre, t'es comme solo par moment, c'est des improvisations, exact. Tout ça, c'est intimidant par moment, mais c'est pas ça vous empêcher, ben, parce que c'est motivant. Donc, non, moi, ma première année, j'avais pas été choisi au camp. Par la suite, l'ancien capitaine des Rouges, Philippe Grenier, je l'avais croisé, je connaissais pas ce gars-là qui mesure genre 7 pieds 1000. 100. Puis, je croise ce gars-là, il est en vélo, il me dit, hey! Et puis là, je m'en allais à l'université. Puis là, je dis, qu'est-ce que tu veux, lui? Il veut me donner des bonbons. Genre, fait que là, il me dit, t'es venu au camp, toi, l'an passé? Puis ça, c'était au printemps, tu sais. Fait que là, je dis, oui. Et je dis, il me dit, ben, cette année, représente-toi au camp. Ça, c'est donc mon deuxième camp. Ouais. Où j'ai été choisi, justement, par Philippe. Il était capitaine avant? Des Rouges. OK, dès au premier camp, c'était aussi lui le capitaine. Non. Non, OK, c'est ça l'affaire, là. C'est ça, le changement. Ah! Donc, là, Philippe m'avait dit, présente-toi au camp. Et puis, je m'étais présenté au camp, puis, ben, the rest is history. C'est ça! Donc, non, mais c'est ça, à ma deuxième année, j'avais été pris comme joueur régulier. J'ai d'ailleurs remporté le joueur le plus apprécié du public, la recrue de l'année. Oh, non, non, mais tout ça pour imaginer à quel point, justement, là, le camp, des fois, faut pas que vous en faites trop avec ça, puisque des fois, il passe au côté des improvisateurs, je vais brûler. Non, mais non, c'est ouvert à tous. Puis le plus qu'on vous voit, donc aux deux soirs, plus que vos chances sont grandes. Absolument. Choisi. Donc, c'est 19 et 20 septembre. Ouais. C'est à 20h, pareil comme un match. Oui, exact. C'est à la salle Rodolphe Mathieu. Oui. Je sais pas pavillon. Si c'est là les deux soirs, par contre. Fait que je vous invite à aller vérifier sur la page de la Luître. Mathieu, tu pourras peut-être me confirmer ça, mais... Je m'en vais là. Un autre critère qui serait idéal, c'est présentez-vous idéalement en jogging noir. Oui, parce que c'est ce que vous allez porter là, lors du match. Oui, ou en tout cas en vêtement le plus sobre possible, idéalement noir. Le plus sobre comme dans un substitut joueur, là? Non. Sobre. Oui. OK, c'est bon. Donc le camp, c'est au pavillon Michel Sarrazin. Ouais. Ça m'a l'air d'être les deux soirs parce que c'est ce qui est écrit. 19 septembre. Attends un peu. Non. Attention. 19 septembre, c'est à 19h. Donc, ça veut dire que le mardi doit être aussi à 19h et non 20h. Oh là là, ça resterait à confirmer. Ben, c'est ça. C'est ce qui est. Non, OK, je l'ai. J'ai l'information. Là, excuse-moi. Mathieu, OK, je suis là. OK, c'est parce que c'est marqué lire plus. J'avais pas vu que tu pouvais déballer le texte. Ah, tu comprends? Ouais. Tu sais, sur Facebook. C'est donc, lundi soir, salle Rodolphe Mathieu du pavillon Michel Sarrazin, 19h à 22h. Ça, c'est clair. Oui. Okay? C'est ce qu'on avait dit. Le mardi soir est au local 1103 du pavillon Michel Sarrazin, aussi de 19h à 22h. Ce n'est pas ouvert au public, c'est ouvert seulement aux gens qui veulent faire partie de la ligue Non, exact, parce qu'on veut pas de gens, là. On veut pas que tes 12 beaux-frères et ta grand-mère viennent t'encourager au camp. Il n'y a pas de public, là, c'est pas ça. S'il y a de quoi, ça va juste te nuire. Ouais. Et après ça, après le camp, la libération des capitaines va être faite dans un endroit secret. Oui. Souvent un restaurant, un bar, une maison, un appartement, peu importe. Une boîte de carton. Une boîte de carton? Non, mais rends-le loin de ton micro. Ouais, il s'est assis dans le fond de son siège. Way back, you know. On est en radio, moi je suis chez toi, là. Là, je m'excuse, monsieur. Okay. Donc, ça se passe dans un endroit secret et à minuit, tap-tap. Les équipes devraient être formées, oui. Et là, les gens reçoivent un courriel, puis bon, le reste, c'est une autre affaire, on en reparlera une autre fois, là, mais. Exactement. Le processus est interne, là. Hein, ouais, non, c'est ça. Voilà. Après ça, la parenthèse du cadre recrutement étant terminée. Après ça, la saison commence, Mathieu. Season. Donc, à partir du 26 octobre, oui. Ce sera la nouvelle saison. Septembre. Tu m'écoutais pas. Ben. Donc, le 26 septembre, à 20h. Oui, à la Chasse-Galerie. Toujours gratuit. Donc, oui. C'est année après année, là, le prix, ça suit l'inflation. Ça demeure gratuit. Toujours une cruche pour les dons, quand même. Ouais, exact. Quand même. Non, puis c'est le fun. Les gens sont quand même assez généreux. Puis d'ailleurs, ben, pour ceux qui se demandent là, en début de saison, qui sont nouveaux, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? On dépense ça dans le fond au casino. On essaie de rentabiliser notre argent. Les dernières années, ça n'a pas été tant productif. Okay. Mais c'est ça. Puis si on fait de l'argent au casino avec cet argent-là, en fait, on paye nos tournois à l'extérieur. Chambre d'hôtel. Ouais, exact. Prostituée. Oui. Luxe. Drogue. Rock'n'roll. Voilà. Alcool. C'est ça, tu sais. Après tout, on fait de l'impro universitaire, donc on a le droit de vivre la vie. Comme un universitaire. D'un improvisateur. Slogan de Sex, Drugs and Improv, là, ça peut-être pas. Ah, ça pourrait être bon pour les années futures, Mathieu. Ça peut être le slogan de cette année? Hey, moi, j'avais dit Improv and Chill. Improv and Chill. Impro and Chill en français. Ça n'a pas été pris. C'est encore Rose la lutte. Bon, là. Hein? En français, s'il vous plaît, Mathieu. Là. Ça paraît-tu que je suis pas gars de la pub? Non, c'est, hein? C'est ça. Donc, Rose la lutte, hashtag Rose la lutte sur Facebook, bien populaire. Allez pour vous renseigner. Sinon, page Facebook, l'huître. Oui. Écoutez @.ca/l'huître, qui va être à jour un jour, je me jure. Oui. D'habitude, c'est après le début de saison qu'on fait les fiches de joueurs. Toujours à la fois. Ouais. Hein? Hey Mathieu, toi, si t'avais à monter une Dream Team là, avec les improvisateurs que t'as vus depuis les 50 années où t'es assez fou. Wow! Tu vas à l'impro. Les 50 années! Ouais, ça fait 3 ans. Oui, c'est ça. En fait, non. C'est la troisième année, ça fait donc 2 ans. Bon. Ça ne suivra pas, là. OK, donc si j'ai à choisir mes joueurs de rêve, mettons, là. Ouais. Premièrement, j'ai pas le choix, évidemment, j'imagine de dire Gabriel Beaud. Ben non, mais. Non, mais tu sais que c'est tes bons joueurs. Non, mais pas vrai, même si t'étais pas là, je dirais Gabriel Beaud. C'est même pas vrai. C'est mon type d'humour, genre absurde et qui ne se tient pas et qui n'a pas vraiment de personnage en tant que tel, sauf tout à le même. Je trouve ça absurde. J'aime ça, oui. Lui, pourtant, il fait ça de façon sérieuse. C'est pas vrai, tu prends un 2 ou 3e degré que moi, je ne ressens même pas. Qui existe même pas, non, mais je le sens quand même. Voilà. J'ai tellement genre de détecteur de sarcasme que je suis capable d'en détecter même quand il y en a pas. Ah, mais c'est bien. Je suis pas autiste. Comme tu vois. Ensuite, probablement que je pourrais mettre un Alexandre Marchand. Oui. Alexandre Marchand, c'est un bon choix. Je mettrais Fred Bernard. Ah ouais. Ah ouais. Tu sais, quand t'as besoin de quelqu'un pour jouer avec des gilets, là, faire du feu, du vent, de l'eau. Tellement. C'est le choix. Hein. Là, je sais que les quotas, c'est pas quelque chose de vraiment le fun à dire, mais quelque chose comme. Une fille. Ouais. Non, mais mettons que j'avais choisi des filles, c'est sûr que je mettrais probablement une Vanessa Fortier. Sur bonne Nadia Tranche-Montagne. Hello? Il a dit mon gré. Alors, j'avoue que les gens qui ont quitté, là, ça compte. Ils comptent pareil. Des Max Tanguay. Aristide Bruin. Des Maf. Oui. Quand les Fortin me fait bérer. Fait qu'on pogne toute la barre, là. Ceux qui sont capitaines ou joueurs actuellement, on s'en va. Je pourrais vraiment en nommer plusieurs, là, ça. Ouais, dans le fond, t'aurais une Dream League. J'aurais une Dream League. Ah, ben c'est ça, ça pourrait être ça, parce que ça risque d'être la Ligue de cette année, ça, Mathieu. Ah ouais, parce que t'es capitaine, fait que tu vas choisir 4 joueurs excellents. Oui, t'as ben... d'influence sur les autres. Tu viens de choisir son équipe à sa place. Ouais. Je vais réanimer les improvisateurs des morts. Et puis, je vais revenir. Ouais. Mais c'est ça, c'est difficile une Dream Team parce que j'ai pas l'expérience de toute l'histoire de la lutte. Non, c'est sûr. Ouais. Bref, toi, ta ligue de rêve pour te renvoyer le malaise? Moi, je prendrais Jean-Claude Van Damme. Oui. Parce que c'est une boîte à surprise. Il était là les premières années. Oui. Donc, il peut se péter des splits entre deux bandes. La ligue s'appelle la Ligue à l'époque. Oui, exact. Je prendrais aussi sûrement Steven Seagal. Seagal avec la couette ou pas de couette? Avec la couette. Ouais, dans le temps de Hard to Kill, c'est un grand classique. Je prendrais Seagull pour démembrer mes adversaires. Je prendrais peut-être Wesley Snipes, oui, une variété un petit peu culturelle aussi. Voilà. Il n'y a pas Scorpion dans Mortal Kombat aussi. Comment s'appelle déjà le Rebel Wilson, la fille dans Pitch Perfect, là. Moi, la fille c'est qui chante Rebel fort. Wilson. Ben oui. Oui, l'Australienne là, qui chante. Oui. Ben oui. C'est clair, tu sais c'est qui. J'ignore c'est qui. Ben oui. Non, tu sais c'est qui. Je pense que je prendrais, pour les chanter, je prendrais Alanis Morissette. Alanis, oui. Oui. Rebel Wilson. Ah, this girl. Oui. Sûr. Moi, c'est clair que elle, je la mets dans ma dream team. Ouais. Est-ce qu'on te l'a demandé? Non, mais. Non, mais vas-y donc, Tania, ce serait quoi ta dream team? Et mon Dieu, ça serait pas mal elle, je pense que. Juste elle! C'est ça! Rebel Wilson. Dans tous les rois. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, je pense que d'un gars, je mettrais un gars qui est canadien, mais qui fait des films beaucoup aux États-Unis, là. Gabriel Hood? Oui, c'est ça, regarde, t'as compris. Ah, Rémi Girard! Non, il vit dans NDG, là. C'est ça, NDG. Ouais, okay, ouais, celui qui a fait. Celui qui a fait le film d'Hockey. Okay, ouais, c'est. Comment il s'appelle lui? Je me souviens plus de son nom. Oh, ouais, c'est. Il joue dans Superbad. Ouais, exactement. Oh, ouais. Michael Cera. Non. Non, il joue-tu dans Superbad? Il me semble que oui. En tout cas, il joue dans un film d'Hockey qui. Oh, ouais, dans. Goon. Oui, c'est ça, Goon, merci. Fait que je vais essayer de le trouver. Marc-André Grondin. J.J. Baruchel. Non, c'est Marc-André Grondin. J'ai dit tantôt. Non, pas Marc-André Grondin. Lui, je l'aimais pas dans mon dream team. Peut-être Liev Schneider? Ou Sean William Julie Scott? Schneider. C'est vraiment J.J. Baruchel, en fait. Hein? C'est vraiment J.J. Baruchel. Ouais, c'est ça, exact. Je pense que c'est con. Lui, je l'aimais dans mon dream team. Zidane. Jonah Hill. Ah, Jonah Hill, ouais. Jonah Hill. Et Seth Rogen. Oh boy! Toi, tu vas dans le récent. Tout est drogué. C'est ça. Moi, je pense que je prendrais Will Ferrell, je l'ai pas dit, mais ce gars-là, c'est ouais. Brut. Mais juste son personnage dans Anchorman. Hein? Juste son personnage dans Anchorman. C'est débile, ce match-là. C'est ça que tu veux. Mais pas dans Palais des Galettes, hein? Hein, c'est drôle, Palais des Galettes. Non, Ricky Bobby, c'est le pire film. Ah, c'est hilarant. Tu devrais aimer ça, en plus. C'est. Non, j'ai détesté. Mais c'est trop pas réaliste, pour les courses de char. C'est sûr. Très pâti. Ouais. Bref, on a nos Dream Team, crime, une équipe avec 45 personnes. Ouais, fait que dans le fond, pas besoin de vous présenter aucun. On va essayer de contacter ce monde-là, puis concocter des choses. C'est ça, le pire, c'est que si t'essayes de contacter J. Baruchel pour qu'il vienne faire genre un cameo. Colloque oui. Ou quelque chose pendant le camp, genre, il ferait. Tellement. C'est qui le chanteur qui s'est présenté à un show avec Éric Lapointe là, récemment? Aïe, aïe, aïe, Éric Lapointe, ouais. Attends, je sais pas, il doit être gelé. Jonas? Non. Jonas? Sors ça de où? Ben, il a dit de... Aïe, aïe. Michel... Michel Louvain? Ouais. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, c'est... Michel Louvain, ils l'ont robotisé à l'âge qu'il est rendu. Ah ouais. Oh boy. On a pris assez de temps là quand même. Je pense que oui. Je pense que tout est dit. En ordre, là, mettons qu'on y va dans l'ordre. Le passé étant passé, on va commencer au présent. Ouais, le bon. On a eu le Magic Captain qui était incroyable. Mais lundi soir et mardi soir prochain, c'est ça qu'il faut se rappeler là, de toute cette chronique-là, parce que le restant c'est plus ou moins important. C'est le camp de recrutement, puis on a besoin de vous pour former des équipes et pour faire rire la chasse-galerie. Voilà. Donc, et ça, ben les informations sont sur la page Facebook de la Luitre. Ouais. Tapez la Luitre et c'est le premier résultat. J'imagine quand t'apprends juste Luitre, ça fonctionne aussi. C'est la Ligue universelle d'improvisation pour Avière. Exactement. Et dedans, t'as les dates de tous les événements. Tout est là. L-U-I-T-R. L-U-I-T-R. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Gab Béoud, capitaine des Rouges. Mathieu Plante, animateur, c'est fou. Tam. Tania Baudouin. Ouais. Baudouin. Je te débaptise tout le temps en plus. Tu robotises Michel Louvain, tu débaptises. Je vais juste t'appeler Tania. Ouais. C'est Tania Baudouin. Tam Tam. Vas-y pour Tan Tan. Tania. Mes amis m'appelaient de même, Tantan. Tantan. Tan Tan. Tantan. Ouais. Tantan. C'est ça. Hein? Ouais, c'est son époque où il était un petit peu plus ouvert. Voilà. C'est quoi ça? Je sais pas. J'étais montréalais. On a tous eu cette période-là. Voilà. T'entends les gens. Hein? Oh my God! Au pelail! Wow! Ou plutôt Tam Tam. Oh, Tam Tam, madame. Ok, bon, je pense que c'est le temps de la pause. Oui, oui, hey, c'est le temps de la pause. C'est le temps de la pause. Okay, okay. Oui. Oui. Merci, Gabriel. Hey, ça me fait plaisir. À la semaine prochaine, peut-être? Oui. Ben, probablement, oui. Bon, tu sais, t'as-tu mieux à faire? Ça dépend du mardi soir. Ou le karaoké, toi? Non, la formation des équipes. Ah, laisse faire. Pause. Au retour. Oui. c'est Agnès Gonnet Entertainment. Hein? Et on va dépasser les limites de la case horaire. De la case horaire, voilà. Bye bye. Bye. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Toujours à Assemblage requis en ce mercredi 14 septembre 2016. Et toujours Tania Beaudoin. Oh my god! Ah, la transmission du Beaudoin s'est fait pendant la pause. Vous avez de la difficile, les ouais, gars. Ben, vous avez de la difficulté, les gars. Gabriel Béo, t'as appelé Tania Beaudoin tantôt, donc ça a décalé. Il l'a dit une deuxième fois pendant la pause. Ça va. Assemblage requis pour toi. Je sais. Okay, bref, Tania Beaudoin est là. Voilà. Et maintenant, justement, parlant de Tania Beaudoin. C'est le moment de nous divertir, Tania. T'es prête, là? Oui, oui. Le temps de te préparer en masse. Je suis prête. C'est Tania is gonna entertain. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna do. C'est Tania. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, tu nous as donné quand même un petit indice tantôt. Oui. Tu as été quand même flou. Oui, quand même. Mais j'ai dit que ça allait se préciser, telle une image floutée dans un quiz télé qui, avec le temps, devient un petit peu plus claire. C'est vrai. Quelqu'un buzz in et ait un point. Est-ce que quelqu'un a eu un point, Tania? On n'a pas les réponses des gens, mais... On n'a pas malheureusement les réponses des gens, mais oui, il y en a certains qui m'ont écrit et qui m'ont dit qu'ils avaient une petite idée de ce dont j'allais discuter ce matin. Quelles sont leurs théories? Leur théorie est que je vais parler d'un phénomène, bien évidemment, qui se voit un petit peu plus partout autour du monde. C'est les fameux vlogueurs, mais de voyage. Ah, parce que ça dit tantôt blog, vlog, ouais, exactement. Mais différents, donc de voyage. Oui, okay. Parce qu'on le sait, j'ai déjà parlé d'exemple YouTube, j'ai déjà parlé de YouTubers québécois, de YouTubers un petit peu partout à travers le monde. Mais qu'est-ce que je retiens qui est comme à la mode ces temps-ci? C'est vraiment les gens qui vont réussir à voyager par leur travail. Donc, c'est-à-dire que le voyage va devenir leur source même de revenus. C'est le fun, ça. C'est très plaisant. Ouais. Et en fait, je m'en suis trouvée à faire une petite recherche sur quelle était la définition de justement vlogueur. Parce qu'un vlogueur, on ne sait plus trop comment ça fonctionne. Donc, en fait, selon la définition du marketing, l'encyclopédie du marketing, si vous cherchez le mot vlogueur, ça va vous amener à la définition qui est un individu qui produit et qui se met en scène dans un blog vidéo. Donc, pour ceux qui ne savent pas, un vlog, c'est tout simplement la même chose qu'un blog, mais fait de façon filmée. Donc, c'est un vidéo. Le vlogueur est donc, on le sait bien, un blogueur vidéo. Et un blog, en passant, c'est un weblog, un journal web. Exactement, ça vient de là, un journal web. On a mis un V à la place du B. T'as bien raison. Et si vous poussez un petit peu plus loin la recherche pour blogueur vidéo, parce que le mot vlogueur, c'est quand même assez récent, ça n'a pas nécessairement beaucoup de définitions. Alors, si vous cherchez par blogueur vidéo, eh bien ça, c'est un individu qui reprend les principes d'un blog, c'est-à-dire écrit, mais sous forme d'une vidéo, comme on le disait. Donc, il s'agit généralement d'un individu qui va donner des conseils, des avis périodiques sous forme de vidéo au lieu de les écrire sur un site Internet. Un blogueur, ça peut parfois avoir une audience très, très, très importante ou une audience plutôt modeste, mais souvent très intéressant comme sujet et ça va être très, très ciblé dans un domaine d'activité spécialisé. Donc, on le sait, sur YouTube, la chose qui fait quand même assez ravage, c'est les beauty vloggers, les beauty YouTubers. Tu t'en vois plus parce que tu en regardes plus, d'autres se font conseiller plus des vidéos de jeux vidéo. Exactement, il y en a beaucoup de ça, c'est quelque chose qui est très, très, très courant aussi. Donc, la plupart du temps, ça va être une activité quand même spécialisée et très ciblée. Mais dans une logique marketing, les vidéo-blogueurs, ces fameux vlogueurs-là, peuvent donc être pris en compte pour des actions, par exemple, de relations publiques. Ça peut être pris pour des placements de produits ou vraiment ceux qui sont les plus populaires peuvent devenir pour la production publicitaire même de certaines compagnies. Donc, ils vont tout simplement se ramasser à faire comme exemple de la télévision, mais sur Internet. Ouais. Donc, les vlogueurs qui exercent leur activité sur YouTube, parce qu'il y en a qui ne le font pas nécessairement juste sur YouTube, ils ont une approche professionnelle qui sont également appelés des YouTubers, mais tous les YouTubers ne sont pas des vlogueurs. Voilà. Ça, il faut faire la distinction. Mais, et le contraire est vrai aussi. Les vlogueurs ne sont pas tous nécessairement des YouTubers. Exactement. Ils ne sont pas nécessairement sur YouTube, ils peuvent être sur Vimeo aussi. Ça. Tout à fait. On sait pas. Comment est-ce qu'on fait pour devenir un vlogueur? Comment est-ce qu'on fait pour démarrer une chaîne de vlog, par exemple, décider de se faire un vlog? Bien, c'est très, très simple par rapport à ça. Tout d'abord, c'est sûr que d'obtenir un compte YouTube pour publier des vidéos, c'est quand même assez la base. Il n'y a pas nécessairement d'autres sites Internet qui nous offre la même fonction que YouTube de façon totalement gratuite, disons-le. C'est la sûr plupart des options. La plupart gratuites. Des options. C'est sûr qu'à un certain point, vous allez mettre de l'argent dans vos vidéos, donc oui. Mais bon, ça vient par la suite. L'équipement vidéo, si tu filmes avec ta webcam, des fois, ou ton téléphone, ça peut ne pas être si bon. Mais bien souvent, ça va se voir parce que c'est le début de tout ça. Oui. Tu sais, si on retourne il y a 4-5 ans, mais ça se faisait avec les fameuses petites caméras, ces ordinateurs dans le fond de notre chambre, puis tu sais, ça se fait encore, là. Mais une fois rendu populaire, tu peux passer à l'étape où tu as un son qui n'est pas genre toute la pièce de ta chambre. Non, tu peux avoir des lumières, tu peux. Ouais, il y en a qui ont. Parce que ça a l'air sombre et ça sonne l'enregistrement de webcam Skype. Il y en a qui sont bien équipés, je vais vous avouer. Ça vient avec le temps. Quand tu monétises tes vidéos sur YouTube, que tu actives l'option publicité avant tes vidéos. Hein, exactement. Ça rentre au pas. Donc, pour démarrer une chaîne de vlog, eh bien, il faut minimum 5 vidéos de bonne qualité pour commencer. En ayant 5 vidéos de bonne qualité, vous allez à ce moment-là pouvoir obtenir plusieurs abonnés, ou du moins des abonnés. Pas nécessairement plusieurs, mais si votre mère va liker votre page, ça fait un abonné. Bon. Évidemment, il faut penser au fait que ces 5 vidéos qui sont, comme tu l'as dit, bien produites, bien faites, mais avec un nom qui va faire que les gens vont les trouver en cherchant. Tout à fait. Mots-clés, plein de trucs comme ça. Hashtag. Oui. C'est vraiment des choses qui vont vous faire... T'appelleras pas ça mon vlog numéro 1. Non, exactement. Ben, tu pourrais, mais... Ça marchera pas mal. C'est ça. Vous allez devoir faire la promotion de vos vidéos, bien évidemment, sur les plateformes de médias sociaux ou encore même sur YouTube directement. Il y en a beaucoup qui vont aller poster des commentaires sur les vidéos de certains vlogueurs très populaires. Faire de la référence croisée. Exactement, ouais. Faire de la référence croisée. Donc, la promotion des vidéos, la promotion des chaînes, c'est pas mal par là que ça passe pas mal souvent. Ouais. Et en faisant tout ça, bien, vous allez vraiment pouvoir améliorer votre accès. Donc, vous allez garder ces espèces de téléspectateurs-là, de ces espèces d'auditoires-là, et les abonnés, les vidéos vont commencer à vraiment rentrer de plus en plus en ligne de compte. Donc, par la suite, si comme tout ça va bien, si vous avez quand même une bonne ligne directrice sur les sujets que vous voulez... Que vous n'êtes pas paresseux en faisant un par trois mois. Que vous n'êtes pas paresseux, ouais. Exactement, ça va venir. Bien, vous allez devenir, en quelque sorte, vous allez pouvoir devenir un partenaire de YouTube. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est quand même assez simple. C'est que vous allez pouvoir mettre des annonces avant vos vidéos et gagner de l'argent avec ces annonces-là. Une cote de l'argent. Exactement, une cote de l'argent. Et apparemment que c'est extrêmement payant si vous avez beaucoup... de vues sur vos vidéos. Beaucoup de views, beaucoup de subscribers, même qu'avec un certain nombre d'abonnés, finalement, tu peux recevoir une plaque, là, genre argent, doré, quand t'es rendu à X millions de subscribers. Oui, je pense que le premier, c'est après 1000. Pour t'encourager à continuer, exactement. Exact. Donc, en théorie, c'est quand même assez simple. Peu importe quel est votre sexe, là, parce que je parle de maquillage, mais il y a beaucoup de gars qui en font. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous en présenter. Être un vlogueur, ça prend vraiment beaucoup de temps. Tu le disais tout à l'heure, ça prend du travail acharné, de la détermination. Ouais. Ça prend du courage aussi parce qu'il y en a qui vont tout simplement lâcher leur job complètement pour pouvoir se consacrer à ça. Ça prend non seulement du courage, mais aussi une peau assez épaisse parce que les commentaires, oui, exactement. Oh, on sait bien, moi je travaille toute la semaine et puis je fais moins d'argent qu'un YouTuber. Ouais, mais YouTuber, il passe plus de temps et d'argent que tu penses à faire ce travail-là. Probablement. Fait que dénigrer les gens sans savoir qu'est-ce qu'ils font, moyen. Hein? Ils font pas du 8 à 5, mettons. Non. La plupart du temps, ils vont peut-être faire du plus, 10 à 3 AM, mettons. Oui. Donc, ça prend de la persévérance aussi. Ouais. Tout à l'heure, on le disait, la promotion, le dévouement. Donc, bien évidemment, vous pouvez obtenir un avantage si vous êtes une femme quand même assez jolie. Ouais. Et si vous êtes dans un domaine qui n'est pas nécessairement féminin, donc que les gars veulent voir une fille jouer à Counter-Strike avec son image dans le coin de l'écran, à la Twitch, il y en a sur YouTube aussi, ça va pogner, puis pas à peu près. Oui, vraiment. Ouais. Aime les jeux vidéo. Oui, quand même. Tout à l'heure, on parlait d'y aller de façon ciblée. Allez-y pour un certain créneau. Ouais. Donc, on parlait, par exemple, de maquillage, mais il y a aussi la technologie, les voitures, les jeux. Je parle de voyage parce que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus et dont je vais vous parler. Je vais vous présenter des vlogueurs de voyage. Allez-y avec des vlogs avec humour parce que la plupart du temps, les gens, c'est ce qu'ils veulent voir. Ouais. Ils veulent voir des choses qui sont intéressantes. Vous avez vu des quick cuts, là, des smash cuts. Oui. D'un bord, c'est tout le temps, t'es pas dans le même angle. Tac, tac, tac, tac. Les coupures sont vraiment tout le temps rapides. Ah oui, vraiment. Ça prend ça, je pense. Puis il y en a qui se spécialisent maintenant là-dedans. Là, c'est assez remarquable. Et les vidéos pas trop longues, non plus. Non, en effet. Allez-y. T'sais, donnez-vous la chance de donner votre propre avis dans vos vidéos. La plupart du temps, c'est pour ça que les gens vont vous regarder. C'est parce que votre opinion va compter. Faites des blagues. Vraiment, lâchez-vous là. Ouais. Allez-y pour quelque chose qui vous passionne, bien souvent. Soyez vous-même, mais en mieux. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est quasiment méchant. C'est une blague. Oh. C'est comme nous à la radio. Comme nous à la radio, oui, c'est ça. On est nous, mais en mieux. Ouais. J'ai quatre personnalités à vous présenter qui sont des vlogueurs d'Internet, de YouTube, disons-le comme ça. Quatre. Plutôt cinq, parce qu'il y en a un que c'est pas nécessairement un vlogueur, mais vous allez comprendre. Okay. Il travaille très, très fort avec un des vlogueurs dont je vais vous présenter. Mais le premier que je vais vous présenter, je pense que j'en vous ai déjà parlé un petit peu. Il s'appelle le Sawyer Hartman. Je me rappelle du prénom Sawyer, ouais. C'est un gars de Los Angeles qui, lui, a étudié justement dans l'art du cinéma. Donc, il a étudié en cinéma à Los Angeles. Mais là, présentement, ce qui fait fureur sur sa chaîne YouTube, c'est toutes les vidéos qu'il fait avec son drone. OK, oui. Le gars est rendu comme un expert du drone et chaque vlog est un défi de drone. Okay. Parce qu'on le sait, pour pouvoir faire voler un drone au-dessus de quelque chose, à un certain point, ça prend une licence. Tu peux pas nécessairement faire, par exemple, je fais référence à un des vlogs qu'il a déjà fait, il était pas certain s'il pouvait faire voler le drone au-dessus de Pearl Harbor. Okay. Mais il l'a fait, il a eu la chance de pouvoir le faire jusqu'à une certaine distance parce que par la suite, ça l'a dit, à partir de ce moment-là, vous devez avoir une licence. Mais vous allez voir, si vous faites un tour sur sa page YouTube et que vous parlez aucunement anglais, ça vaut quand même la peine juste pour les images qui sont exceptionnelles. Tout le temps, les drones de qualité, là, c'est beaucoup cher, là, pas les cheapos là, chez Canadian Tire, mais les vrais bons. Hein. Oui. Ouais. C'est sûr que c'est dispendieux, mais comme on le disait tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé de commencer nécessairement immédiatement à ce point-là. Il a commencé en faisant des vidéos dans son appartement, il a commencé en faisant des petits films après l'école de télévision, l'école de cinéma, puis tout ça. Et là, il en est justement à pouvoir faire ce qu'il veut. Il s'est fait lui-même approcher par certaines compagnies de voyage, certaines compagnies aériennes. Il y a des villes et des centres touristiques qui font appel à lui pour pouvoir justement venir faire des vidéos promotionnelles à cause des images qu'il réussit à faire avec son drone. Alors, si vous êtes du genre à capoter justement sur les images de drone, sur les vlogs voyage qui se passent dans une ville précisément ou qui sont pas nécessairement très, très longs parce que ses vidéos, lui, sont quand même assez courtes, eh bien, allez faire un tour sur la page YouTube de Sawyer Hartman parce que, je vous le dis, c'est vraiment hallucinant. C'est à couper le souffle, les images qu'il peut faire. Super. Ça, c'est pour Sawyer Hartman. Le deuxième dont je veux vous parler, c'est John Olsen. Là, je commence par les gens qui sont pas nécessairement français, francophones, québécois ou peu importe. Mais John Olsen, pour certains, le nom est déjà plutôt familier parce que John Olsen, c'est un athlète. Il a déjà fait, il a déjà participé aux X Games. Il est allé 9 fois champion des X Games. C'est un skieur. Il a fait du ski acrobatique, il a fait du ski de compétition, donc en descente. Présentement, il est blessé, mais ça fait déjà plusieurs années que John Olsen a décidé de se lancer dans le monde du vlog. Déjà en partant, lorsqu'il était en train de faire de la compétition, bien évidemment, il est sponsorisé par Red Bull, donc à ce point-là, ça peut aider à un certain moment. Mais il a eu la chance, selon tous ses voyages qu'il faisait pour le travail, ses entraînements, il a découvert ce fameux univers-là du vidéo, du vlog. Et c'est vraiment très, très intéressant parce que si vous allez faire un tour sur sa page YouTube, c'est un vlog à tous les jours. C'est de la job. Oui, c'est ouais. C'est ce qu'on appelle un daily vlogger. Oui, mais c'est ça qu'il faut faire, je pense, pour avoir du succès. Oui. Au moins plusieurs fois par semaine. Oui, tout à fait. Ouais. Puis, on s'entend, il vit en Europe, il est suédois à la base, mais il a déménagé à Monaco. Tu sais, il a déjà en partant les bonnes places pour que ce soit assez hallucinant comme prise de vue. Et tout à l'heure, je vous disais que j'allais parler de quelqu'un qui était en équipe avec un autre vlogueur. Je vous parle de Marcus Valeur, qui lui aussi est un suédois. Mister Valeur. Mais c'est lui qui est tout le temps derrière la caméra à John Olsen. Donc oui, ça devient un vlog, mais ça, parce que John Olsen va filmer lui aussi avec une caméra. C'est ce que vous allez voir à certains moments dans les blogs. C'est que les deux gars vont s'auto-filmer tout au long des vlogs. À certains moments, vous allez avoir de l'interaction, vous allez avoir des prises de vue qui vont être différentes. Et Marcus Valeur, c'est vraiment comme devenu le caméraman à tous les jours de John Olsen. Comme je le disais, John Olsen, présentement, il est blessé, donc il a la chance de pouvoir voyager. Et il a aussi la chance de partager sa vie avec une blogueur mode, ce qui donne quand même cette facilité-là à pouvoir voyager. Si une a un contrat à quelque part, ben lui va tout simplement y aller avec elle, va pouvoir vlogger. Mais ce qui est très, très le fun à voir, c'est qu'à la base, Marcus Valeur ne vivait pas avec ce couple-là. Okay. Mais à cause qu'il est là à tous les jours... Ils sont rendus polyamoureux. Ben non, il vit avec eux. Ouais. Il est tout le temps là. C'est quand même drôle. Ouais. Puis tout à l'heure, on parlait d'ajouter de l'humour dans ça. C'est des questions qui reviennent souvent sur leur chaîne. Pourquoi est-ce que Marcus est tout le temps là? Ou est-ce que Marcus est comme un frère? Ou comme... ou est-ce plus. Que parfois, vous avez de la difficulté à être tout seul parce que Marcus vit dans le même appartement c'est que vous? C'est un vlogging sandwich. C'est vraiment très, très bon. Par contre, puis ce que j'aime beaucoup, c'est que John Olsen, il est du genre à vouloir tout le temps apprendre. Un petit peu comme moi. Il est tout le temps du genre aussi à être intéressé par plusieurs choses. Donc récemment, si vous allez sur sa chaîne YouTube, vous allez voir qu'il a fait un voyage à Bali. Mais à Bali, il décide de découvrir plusieurs choses différentes. Entre autres, ils sont allés visiter des chutes qui sont malades. Et ils ont décidé d'y aller avant, très très tôt le matin. Puis par la suite, ils ont justement donné leur avis sur le fait que si on y va très très tôt le matin, ben il n'y a pas des millions de touristes. Mmh. Et par la suite, lorsque vous allez quitter, bien là, ça va être l'heure où en temps normal, les touristes vont commencer à arriver à ce moment-là. Donc ça, on peut le voir dans le vlog. C'est des avis de voyage comme ça qu'il donne. Comme il est blessé, il a décidé d'aller voir certains soigneurs à Bali. Il donne son opinion là-dessus. Donc c'est vraiment intéressant de voir jusqu'à quel point lui peut se permettre de juger, de donner son avis sur plusieurs choses. Et vous allez voir aussi, bien évidemment, c'est un athlète professionnel, donc il en parle. C'est très, très le fun. Puis il se gêne pas non plus pour dire jusqu'à quel point il est blessé, jusqu'à quel point présentement il peut pas nécessairement faire de ski, il peut pas nécessairement retourner à l'entraînement. Et c'est ce qui lui donne la chance présentement de pouvoir faire des vlogs à tous les jours. Donc pour vous donner un petit exemple, cette semaine, comme il était blessé puis comme il n'y avait pas nécessairement de contrat à faire avec Red Bull, eh bien, ils ont décidé de suivre sa blonde à la New York Fashion Week. Mais ce qui est tellement intéressant, c'est que Marcus et lui, à certains moments, vont se lancer dans la ville de New York pour faire des images vraiment capotées. Et ils vont rencontrer des gens aussi. Donc, ce fameux mélange de culture-là à travers chaque vidéo qu'ils vont faire, c'est quelque chose qu'ils pratiquent et c'est vraiment intéressant. Ouais. Donc, si jamais ça vous intéresse, John et Marcus Valeur, qui, lui, la plupart du temps, est le créateur derrière toutes les images. Le featuring. Ben, c'est le gars perfectionniste, mettons, derrière... Il faut ça, je pense. Tout le editing, là, quand on parle de mettre en marche puis de tout faire, le vidéo, là. Ouais. C'est pas mal le petit génie derrière tout ça. Parce que si vous remarquez les vlogs populaires, en tout cas, ceux que j'ai vus à date, là, il y a pas grandes erreurs, genre, ils ont oublié d'enlever une phrase mal dite ou un blooper. Non, exactement. Faute d'orthographe en bas de l'écran, il y a des erreurs de raccord. Il y a pas ça. Il y a pas ça pendant tout. Non, il faut comprendre que c'est ça. Les gens qui font ça sont très, très assidus. Minutieux. Et s'ils le font, ils sont aussi perfectionnistes. Voilà. Le vidéo que vous voyez qui dure peut-être 5 minutes, ils ont peut-être passé 24 heures à 48 heures juste pour le éditer. Donc, de ce côté-là, tu sais, prenez conscience que oui, c'est du travail. C'est pas un dude avec son sel qui se filme puis c'est non. Tout qui envoie ça sur YouTube. Exactement. Tu sais, c'est pas comme les gens sur Snapchat. Ouais. Je veux pas être méchante ou quoi que ce soit, mais c'est pas comme Oli Primo de Beach Club qui le fait d'une certaine façon avec son Snapchat. Ouais. C'est pas la même chose. T'sais, ça, c'est du live, t'sais, comme c'est du direct, blablabla. Ça se compare pas non plus à un Twitch ou peu importe. Non, exactement. Où tu joues à un jeu vidéo devant public. C'est pas. Puis on veut pas dénigrer ça en tant que tel, ça prend une autre sorte de talent, mm-hmm. mais c'est un peu moins de dur labeur. Une fois que c'est installé, tu fais juste jouer. Hein, oui. Mettons. Exactement. Fait que c'est moins d'effort quand même. Faut, je pense. En tout cas, je peux attendre mon chapeau dans ce cas-là, mais il me semble. Me semble aussi. Ouais. Tu sais, c'est assez logique, mettons. Mettons. Ouais, c'est ça. Un autre dont je veux vous parler qui a peut-être beaucoup moins d'abonnés parce que je pense que lorsqu'on vlogue en français québécois, c'est peut-être un petit peu plus difficile que la langue anglophone ou que la langue française qui va aller rejoindre un plus grand créneau de francophones, par exemple. Mais un des YouTubers et des vlogueurs dont je veux vous parler, c'est Guillaume Duranceau-Thibert. Avec deux noms de famille en plus. Ben, si vous cherchez, si vous cherchez sa page YouTube, cherchez par Guillaume sans destination. Ah, wow, cool. Pas sans 100, mais sans SANS. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de destination. Et si vous allez voir la description de sa chaîne YouTube, c'est super bien expliqué, là. Voyageur passionné, éternellement nomade, il mord dans la vie à pleines dents et il dit lui-même « Je vous invite à me suivre à travers divers périples autour de la planète où les gens, les endroits improbables et spectaculaires que je verrai influenceraient le cours de mon aventure et par le fait même, la destination suivante. Ouais. » Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est un gars qui a décidé de faire 50 pays en un an. Wow! Et il part avec sa caméra. Tu sais, tout à l'heure, on disait des courts vidéos. Bien, ces vidéos vont pas plus au-dessus de 10 minutes. Oui, parfait. Si vous allez voir la différence, par exemple, avec John Olsen ou Sire, ça peut aller jusqu'à un 15-20, par exemple. Ça va vraiment devenir comme un épisode, vu que c'est du daily vlogging. Tandis que pour les Québécois, on y va un petit peu plus raccourci, on y va un petit peu moins long. Donc, si jamais ça vous intéresse, j'ai commencé à écouter quelques vidéos de lui et c'est vraiment très, très intéressant. Lui aussi va donner son opinion sur plusieurs des destinations qu'il va visiter, les gens à qui il va rencontrer, eh bien, on les voit. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi quand on fait du vlogging travel, qu'on appelle. C'est vraiment du voyage à travers les vidéos. C'est que vous allez pouvoir en apprendre, vous aussi, en regardant ces vidéos-là. Et c'est ça qui fait en sorte que c'est très, très intéressant. La dernière personne qui voyage avec une caméra à la main dont je veux vous parler, je pense que la plupart des gens la connaissent maintenant à cause de son site Internet qui a été très, très populaire. Elle est d'ici, de la Mauricie. C'est Lydiane autour du monde. C'est ce que je pensais, oui. Exactement. Mais il y a quelques temps, elle a décidé de se lancer, elle aussi, sur l'aventure qu'est YouTube. C'est la fille de... Occupation double. Exactement. Elle est sur Évasion, bien évidemment, donc elle a déjà eu l'opportunité de pouvoir rendre son aventure beaucoup plus grosse que simplement YouTube, mais c'est quelque chose qu'elle fait pareil. Si vous enlevez, par exemple, l'équipe technique derrière, bien, elle va quand même poster des vidéos sur sa page YouTube. Vous pouvez aller faire un tour. C'est vraiment très, très intéressant et c'est surtout le fun parce que c'est quelqu'un de québécois. Donc, si vous n'êtes pas du genre à vouloir regarder des vidéos en anglais, si vous n'êtes pas du genre à vouloir tout simplement vous taper un article qui peut être très, très long sur un blog, parce qu'elle a son site Internet où elle le fait, je vous dirais que la plupart du temps, les vidéos vont être aussi écrits, ils vont être récités aussi sur son blog. Oui, parce que le script, dans le fond. Exactement. Lit, Donc, si jamais ça vous intéresse, bien, vous pouvez aller sur le blog, mais si vous n'êtes pas nécessairement du genre à vouloir lire quelque chose par rapport à ça et que vous êtes plus du genre vidéo, bien, allez faire un tour sur sa page YouTube, Lydiane autour du monde. Je vous dirais que là aussi, il n'y a pas beaucoup d'abonnés. On parle de 650 abonnés. Hein? Moi, je croyais que ça serait beaucoup plus gros que avec ça. Avec le nom qu'elle a? Oui. Imagine quand t'as pas de nom, comment c'est difficile mais d'avoir la chaîne YouTube, elle est quand même assez récente. Elle est là depuis 9 mois à peu près sur les nouveaux vidéos. Donc, ça fait approximativement 9 mois qu'on voit des nouveaux vidéos. 643 exactement abonnés. Ça monte lentement. Ça monte lentement. Puis je pense que c'est pour ça que c'est quand même assez difficile. Ouais. C'est peut-être cette fameuse langue québécoise où l'accent est peut-être un petit peu plus compliqué à comprendre pour certains. Mais si vous êtes du genre à vouloir, pareil, suivre quelqu'un qui est... du Québec et qui fait ça de sa vie, les Diane autour du monde. Yes. Voilà! Voilà! Hey! 5 chaînes vidéo. qu'on peut aller voir sur la page Facebook d'Assemblage Requis, bien sûr. Oui, je vais mettre ça sur la page. Les informations sont là. Merci, Tania. Ça fait plaisir. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour nous. On se retrouve demain entre 6h30 et 9h30. Demain, on sera jeudi. On va faire. Qu'est-ce qu'on fait le jeudi habituellement? Du Grosse Pointe en Dresse. Oui. C'est la chronique classique qu'on fera demain, 6h30 à 9h30. Merci à Gabriel Béhout pour sa participation à l'émission d'aujourd'hui. Sur nos ondes plus tard, aujourd'hui à 10h, dans un petit peu moins d'une demi-heure, ça va être Compte à rebours. Puis après ça, quoi? Est-ce que Grande Voix francophone va être là? Continuer à ce moment-là, j'ai aucune idée. Probablement, on sait pas. Nous serons de retour, en fait, séparément. À 14h, tu vas animer En piste avec Tania Baudin. Oui. Et, ou Baudouin, dépendant. Ouais, ça dépend. Et à 15h, ce sera le Mathieu Plante Show en direct. Ensuite, à 17h, c'est Audiomatique. Donc, allez voir cif.ca. La programmation d'automne va être mise à jour aujourd'hui. Oui. Ça peut être dit. Donc, le nouveau palmarès, la nouvelle programmation, tout ce qui est nouveau, ça va être aujourd'hui sur cif.ca. AssemblageRequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusion. On se quitte là-dessus et on se dit à demain, 6h30. Bonne journée. Bye, bon café.